vie dans la vie de croisière d'assemblage requis. On embarque en croisière pour l'été, on amène nos chroniqueurs, on aura des chroniques musicales, sportives et culturelles, alors on lève l'ancre maintenant. Bonjour et bienvenue à la première estivale de la vie de croisière d'Assemblage Requis. On est en direct des studios dans le bateau de C'est fou, le SS Requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marc-Pierre Laforge-Bourret. Yeah! Bonjour, bienvenue. Mais merci. Merci d'animer l'émission avec moi tout l'été, comme ça. On va s'amuser pendant 4 heures sur un bateau avec nos chaises longues. Écoute, moi, j'aime ça à leur bateau. Fait que... Ouais, t'as pas le mal de mer? Non, pas du tout. J'espère que les gens à la maison, le son de la mer ne leur donne pas le mal de mer, parce que sinon, ce sera pas beau par terre. Parce qu'on va l'entendre souvent, le bruit de la mer en arrière. Parce qu'on est sur un bateau! C'est normal? Oui! Il a l'air vrai à notre bateau, quand même! Quand possible. Donc, oui, on va être avec vous en direct. Ça va être quand, déjà, cette émission-là? Ça va être tous les jeudis, de 13h à 17h, sur les ondes de C'est fou. C'est vrai, et ça va être en rediffusion tous les samedis après-midi à partir de midi. Hein? C'est en effet l'après-midi, quand dépasse midi. Et aussi les lundis après-midi à partir de 15h. Donc, soyez à l'écoute pour ça. Et ça va être toi et moi et puis une tonne de chroniqueurs. On va parler de ce qu'on va avoir aujourd'hui dans l'émission. Entre autres, on va avoir une chronique sportive avec Marc-Antoine Lavoie qui va être, en fait, qui est déjà en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on appelle ça, ta chronique? La voix sportive? Ouais. La voix des sports? La voix virile? La voix virile, j'aime bien ça. La voix suave, sportive? Oh, suave. Je pourrais en prendre une, mais... Oh, OK. qui est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? On a aussi Simon Fédibé avec sa chronique Le Scout des Internets. Je sais pas si t'aimes la technologie et les choses geek, Marie-Pierre. Je suis pas très geek, mais j'aime ça en apprendre plus sur un peu n'importe quoi. Donc, ça risque d'être très intéressant. Ça se développe. On va aussi avoir deux chroniques de ta part aujourd'hui. Oui, entre autres, je vais faire une chronique rapide sur le Festival Danse Encore de Trois-Rivières et sur un livre de Frédéric Becbédé. Ah, Big Bidding. Ouais. De la danse sur un bateau, je suis pas sûr que ça irait très bien à cause des vagues, ouais. Mais en même temps, t'as juste à sauter puis ça danse un petit peu. Ouais, il y a plusieurs croisières qui offrent des danses aussi. Oui, on a souvent des chanteurs de classe croisière. Des fois, on entend souvent l'expression des chanteurs de classe croisière. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, on va avoir une chronique de Maxime Pronovo. Oui, une chronique musicale, semi-musicale, semi-vidéoclip. Bon, on va en savoir plus tard. On vous le jouera sur l'écran de votre radio pour ceux qui ont une radio haute définition, qui s'en sont inventés une ou quelque chose. Hein. On va voir une chronique de Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. Et cette semaine, il va nous parler de Dead Cab for Cutie avec leur nouvel album Codes and Keys. Il va nous faire entendre une pièce de ça. On va avoir un extrait du palmarès électronique parce que vous savez, le palmarès continue tout l'été en formule intérieure à Assemblage Requis. Vraiment, on a pris la formule des palmarès, c'est fou. On l'a étendu, tartiné tel du beurre très faible en gras. Mm-hmm. On n'aura pas tant que ça. Donc, 20 pièces francophones, on va entendre ça aujourd'hui. Et un extrait du palmarès électronique comme on le fait d'habitude dans les palmarès, c'est fou. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est à peu près ça, on a des concours. Concours. Hey, des CD des Beastie Boys, tantôt. Regarde ça, ils sont même pas déballés, là. Ça va quand même bien. C'est toujours dur à déballer, par exemple. Ouais. Il y en a qui vont être jaloux. Oui, moi, je suis jaloux. Toi, est-ce que t'es jaloux? Ouais, jaloux. Toi, t'es jaloux? Ah oui. Jalouse. Bon. Très belle pochette estivale, en plus. Oui, très colorée, très fluorescent, très, très rétro. Très Beastie Boy. Très Beastie Boy, en effet. C'est ça. C'est ça. Puis on verra, il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent. On a 4 heures. 4 heures. À un moment donné, ça va être musique, retour, contenu, pertinence, intéressant, intéressance. Ça va passer très vite. Oui. Pas besoin de recensement pour savoir ça. Est-ce que tu as rempli ton census recensement? Pas encore. Non. Coupable. Ouais. Coupable aussi, toi? Coupable aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a rempli? Téléphonez-nous. Au 819-376-5183. On va prendre vos appels pour l'émission du jeudi seulement, donc pour les auditeurs qui nous écoutent le jeudi. On va commencer avec un petit bloc palmarès, si ça vous dérange pas, les amis. Ça va être le but de l'émission. On va se diffuser 20 pièces francophones une semaine et 20 pièces anglophones l'autre semaine. Est-ce que ça se tient, tout ça? Ça se tient parfaitement. Ça se tient mieux que la façon que je le dis, là. Hein? On s'entend là-dessus. Donc, on va entendre un petit bloc. On va commencer par les nouvelles entrées. En fait, tout à l'heure, on va entendre Galaxy et les Dorothées. Mais on débute avec Monogrenade et une nouvelle entrée qui se nomme La Marge. On est habitué d'entendre M'en aller. C'est la pièce qui dit M'en aller, M'en aller. mais là, ce sera pas ça. Ça va être bien meilleur. Bien meilleur que ça. La marge de Monogrenade. À C'est fou 89.1 FM, c'est la vie de croisière d'assemblage requis. Le bruit... J'avais de quoi dire, j'étais en train de parler, par exemple, juste deux secondes. Il n'y aura pas de bruit d'eau par-dessus les pièces, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau le concept d'eau. Ouais. Ça serait un petit peu gossant, tu sais. Ça, c'est le mal de mer. Yeah! La formation Galaxy et la pièce Shanghai, nouvelle entrée en 18e place. Avant ça, c'était les Dorothées avec Dormir Seul. On a débuté avec Monogrenade et La Marge sur l'album Tantal. C'était le premier bloc de nouvelles entrées des Palmarès. Il nous en reste trois qu'on va l'entendre dans quelques minutes. Et plus tard, Marie-Pierre, tu vas nous parler de Danse Encore. Oui, je vais vous parler du festival Danse Encore qui se déroule ici même à Trois-Rivières. On va faire les steppettes. Bah oui, ben pas nécessairement nous, mais il y en a plein de danseurs qui vont en faire de steppettes. Tu danseras pas pendant que tu vas en parler? Non, ben ça risque de nuire au message, mettons. Ah! D'accord. Bon. Donc ça, c'est à venir tout à l'heure. On va aussi avoir Marc-Antoine avec sa chronique de sport. Ben oui. Ben oui, on va parler de quoi, entre autres? On va parler des séries de la ligne junior majeure de hockey qui se déroule présentement. Ah, ils font des marathons genre de 24, puis ils écoutent Ouais, ça, Lost, tout ça. Ouais. Non, les séries, c'est des équipes qui s'affrontent pour remporter la Coupe du Président. Ligue junior majeure de hockey. Ça, c'est comme l'équivalent des grandes marques, mais en moins cher, c'est ça? C'est comme l'équivalent de choix président, non? C'est comme l'équivalent de la Coupe Stanley pour la Ligue nationale, okay. Mais pour la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Okay. Et aussi les séries de la Ligue nationale pour qui se déroulent présentement aussi. Ce soir, on a droit à un 7e match, toujours excitant, 7e match dans la Ligue nationale. OK. Pour la Coupe Stanley, c'est ça? Pour la Coupe Stanley. Coupe Stanley. Ouais. J'essaie de comprendre le tout, là. Le grand trophée qu'on lève à bout de bras quand on. Oui. Les belles images. Pèse combien, ça? Ah, je pourrais pas te dire. On va retourner pour l'instant en palmarès. Par contre, tout à l'heure, on va entendre Jean-Philippe et Breastfeeders. Mais on débute avec le Globe. On écoute l'extrait 77. Belle année. Hein? On a tous, ouais. On se rappelle tous de 1977. Oh, ouais. Oh, c'était la belle époque. Lors de mes 15 ans. Oui, oui, c'est ça. C'était de mes 15 ans. My girl. Yeah. My girl. Talking about it. Ça va faire. Donc, tout de suite, je disais le Globe 77, 89 FM. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête? On s'en met toujours à 77. Et tout le monde est un esthète. L'apocalypse devient une fête. We'll numéro 16. On vient d'entendre un autre bloc de palmarès ici à la vie de croisière d'assemblage Rocky. On vient d'entendre Jean-Philippe avec Embarque ma belle en 15e. Avant, c'est les Breastfeeders avec Ne perds pas la tête. Et on a débuté avec le Globe et 77 sur leur nouveau maxi qui s'appelle Post-Orchestre de mariage EP. Spécial, hein? Post-Orchestre de mariage EP. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, c'est... Non. C'est pas grave, on anime dehors. C'est la belle vie, c'est l'été, sur le beau bateau SS Rocky. On vous livre la marchandise, on vous envoie des moustiques. Et on se met de la crème solaire. C'est ça, on se met de la crème solaire sur le bout du nez. Ouais. Particulièrement. Et aussi, il ne faut pas oublier l'en haut de la cheville. Parce que c'est des pantalons plus courts, là. Ma copine, c'est ça, pas mal là que ça a bronzé. C'est pas bon, ça. Non. Ouais. Quelle affaire. Dessous des aisselles aussi. Ah oui, le dessous. Des fois, quand tu te couches en champion, les bras l'arrêt de la tête, on oublie souvent le dessous des aisselles. Et après ça, on marche comme un gars qui sort du gym. Une chance que t'es là pour rassurer les gens. C'est bon. C'est le fun. Ouais. Ouais, donc on va prendre une petite pause, légère pause. On revient juste après. On va parler du festival Danse Encore avec Marie-Pierre. Exactement. On va danser pendant la pub. Coucou. Hein? Gars, ça, c'est d'or qu'on entend. Ouais. D'or! On a l'équipement pour ça, là. Hein? Ouais. C'est crédible. Ouais. OK, il faut fermer les micros avant de dire ça. Ouais. Ah, OK. Excusez. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Ah, toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. Les choses se déroulent à merveille sur ce bateau. Les choses avancent à tribord et à babord et à pop-pop-pop. C'est quoi les termes déjà? Tribord, babord. Tribord, babord. Il n'y a pas de poupe et de... Et la proue. Les proues! La proue. La proue. Oui. La proue. Oui. Bon. J'aurais dû étudier mes termes nautiques avant d'embarquer sur ce bateau-là. Moi, j'ai l'air d'un fou. Bon. Assez fou. il l'a quand même eu, pas pire. Ouais. Donc, on va parler du festival Danse Encore, Marie-Pierre. Le festival Danse Encore va se dérouler du jeudi le 2 juin au dimanche le 5 juin dans le centre-ville de Trois-Rivières. Ça fait plusieurs années déjà que ce festival-là existe. Et ce qui est le fun, c'est que cette année, je crois, si je me trompe pas, c'est le 20e anniversaire ou quelque chose comme ça. Ils ont un peu changé leur formule comparativement aux années passées pour ceux qui sont déjà allés. Et bon, je vais vous expliquer ce qui se passe pendant ces jours-là. Donc, c'est un festival de danse. Pendant la fin de semaine, il y a des compétitions d'amateurs. Donc, par exemple, c'est des écoles, des collèges qui décident de venir présenter des numéros de danse. Et c'est une genre de compétition d'amateurs. Il y a également des spectacles professionnels. Donc, un peu tous les types de danse du contemporain. Ça peut être autant de la musique africaine. Donc, tous les types de musique. Il y a également des ateliers avec des danseurs reconnus. Donc, par exemple, si Mathieu, tu décidais, moi, j'aimerais ça suivre un cours de hip-hop. OK, c'est moi, ça, c'est très bien. Ouais. OK? Ou encore Marc-Antoine. Ouais, moi, le breakdance, ça me branche. Okay? Ouais, il y a l'air de ça. Mettons, vous décidez ça. C'est des ateliers qui sont ouverts aux amateurs. On préfère et, et aux personnes qui dansent déjà. Donc, par exemple, si quelqu'un suit des cours de danse depuis une dizaine d'années, il y a des différents niveaux. Des différents niveaux. Donc, débutant à intermédiaire. Expert? Non, je pense que ça ne se rend pas jusque-là. Okay. Mais. C'est comme dans Dance Dance Revolution. Ouais. T'as un niveau basic, débutant, ouais, t'as tout ça. Mais en vrai, mettons. Mais en vrai? On n'a pas de petite flèche qui dit place ton pied là, vite. Donc, c'est des spectacles professionnels, des ateliers avec des danseurs reconnus. Mais pour ça, il faut réserver rapidement parce que les places sont déjà prises. Il y a des groupes qui sont fermés. Donc, si ça vous intéresse, il faut se dépêcher. Il y a également des animations. Donc, c'est autant un festival qui se déroule à l'intérieur dans les salles quand les personnes dansent, mais il y a des animations à l'extérieur. Oui, c'est ça, tu dis intérieur en premier, donc extérieur en deuxième. Tu voulais pas dire le deuxième, même deux fois. Mais pour aller au festival, c'est super important, il faut avoir un passeport. Le passeport est en vente au montant de 20 $ et vous pouvez avoir accès à tout ce qui est extérieur, animation, compétition de danse amateur. Mais par contre, si vous décidez, comme Mathieu et Marc-Antoine, d'aller suivre un atelier, c'est 10 $ par atelier et il faut réserver, comme je l'ai dit tantôt. Ou également, un ajout cette année, c'est des soirées hip-hop et cubaines. Okay. Et ça également, ça coûte 10 $ par soirée. Et si il y en a qui ont déjà écouté America's Best Dance Crew. À Musique Plus. Il y a deux groupes qui se sont rendus assez loin. Je crois qu'il y en a un qui a gagné la 5e saison et l'autre qui a gagné, presque gagné une autre saison. Ils vont être présents à la soirée hip-hop. Il y a Crest Crew et Blueprint Crew. Toujours très fort. Mon anglais aujourd'hui, c'est quelque chose. Ces deux groupes-là vont être là. C'est des groupes, si vous avez écouté le moindrement cette émission-là, vous allez les reconnaître. Donc, ils vont être présents. Donc, je vous rappelle justement que c'est 20$ pour le passeport et 10$ par atelier ou encore pour les spectacles professionnels ou encore un 10$ supplémentaire si vous voulez assister à une soirée cubaine ou hip-hop. Mm-hmm. Donc, pour plus d'informations, c'est le www.festival-encore.com et c'est du 2 au 5 juin. Ben oui, il reste pas grand temps. Il reste pas dans le grand temps pour apprendre le tango. Et voilà. Et voilà. Oui, justement, il va y avoir du tango, entre autres, du flamenco, ballet, moderne, tap dance, afro-cubain. Donc, c'est pour tous les goûts, vraiment. Oui, parce que si moi, je danse avec Mathieu, j'aimerais mieux danser le tango que l'hip-hop. Ah oui? Ah. OK. Ouais. Bon, on s'en reparlera. OK, c'est bon. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre. Mais ça fait plaisir. Voilà. Tout à l'heure, on va avoir la chronique de sport avec Marc-Antoine. Oui. Ça s'en vient dans quelques minutes, mais pour l'instant, on écoute Smith Westerns. Oui. N'est-ce pas? La pièce Fallen in Love. Au 89 FM, c'est la vie de croisière d'Assemblage Requis. And I'll tell you, it's all right. You say your heart is open, but you love this man. You try to use your looks, but you're all. Smith Westerns et Fallen in Love. Et ce qu'il y a de le fun avec Smith Westerns, c'est que c'est un groupe de jeunes adolescents. En fait, ils ont à peu près 17-18 ans. Et bon, ils ont sorti un CD et avant un EP. Et leur musique, moi, je la trouve très mature pour leur âge. Ouais. C'est vraiment le fun. C'est très bon. Ouais, on va faire jouer plus souvent cet été. Hein? Oui. Ben oui. maintenant que tu as le contrôle, la musique. Bon. Donc, on va parler de sport avec Marc-Antoine Lavoie, la voix du sport. Ouais. On se rend direct sur le studio des sports. Studio des sports, studio S. Ouais, à l'arrière du bateau. C'est ça. Ouais. En arrière, parce que c'est là que ça va, le sport. En arrière. Oh, ouais? Ah, non, excuse-moi. Ah, les derniers seront les premiers. Oh, carrément. Oh, wow. Et on se reverra dans 10 ans, même jour, maintenant. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe en sport? Ben, je vais vous parler de la ligne nationale, les séries qui se déroulent présentement. Tu connais les équipes qui sont présentement en finale? Ben oui, les... Ouais, ben du côté... Du côté de l'Est, on a Tampa Bay et Boston. Et Boston. Qui ont balayé leurs premiers adversaires en deuxième ronde en 4 matchs. C'est des séries 4 de 7. Donc, série 4 de 7, ça prend 4 victoires pour passer au... Un 7, c'est comme au tennis. Non, 4 de 7 comme le chiffre. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui, moi, ouais, je comprends. Je blague. Non, il y a 7 parties maximum parce qu'on peut soit avoir 4 victoires ou 3 victoires si l'autre sera en 4. Donc, 7 parties maximum. OK. Et ce soir, justement, on a Détroit et San Jose qui s'affrontent lors d'un 7e match. Donc, le 7e match, c'est sûr qu'une des deux équipes qui sont éliminées. C'est très intéressant à regarder parce qu'on va avoir un dénouement. C'est pas un match que comme qu'on peut voir une équipe perd, l'autre équipe gagne et c'est pas si grave que ça. 2 points perdus, on s'en reprendra la prochaine fois. Là, non. Si on perd ce soir, on est éliminé, on va jouer au golf, tout comme le Canadien de Montréal. Okay. Et ce soir, justement, Détroit, ils pourraient remonter un déficit de 3-0 parce qu'ils ont perdu les 3 premiers matchs contre San Jose. Et pourrait ce soir être la 4e équipe dans l'histoire de la Ligue nationale à remonter un déficit de 4-0. On a eu les Hawks qui ont tenté l'exploit lors de la dernière série et qui n'ont pas réussi finalement contre Vancouver, qu'eux ont gagné. Et si Détroit gagne contre San Jose, il va rejoindre Vancouver en finale de l'Ouest. C'est ça, ce soir. OK, c'est ce soir. L'histoire s'écrit. OK. Et du côté de l'Est, on a Tampa Bay et Boston. Mm-hmm. La série va commencer la semaine prochaine environ. Et c'est deux équipes avec d'excellents joueurs. Du côté Tampa Bay, plusieurs Québécois les aiment parce qu'il y a plusieurs joueurs québécois dans l'équipe. Donc, c'est intéressant à regarder. Et du côté de Boston, on les aime moins un petit peu, mais ils ont quand même une très bonne équipe. Et je sais pas si... Non, je te demanderai pas tes prédictions. Tu veux, si tu veux, là. Non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Est-ce que toi, tu suis assez ça? Non, pas vraiment. Bon. Mais justement, j'avais une question pour ça, rafraîchir la mémoire. C'est qui a gagné l'année passée? L'année passée, c'est les Blackhawks. OK, donc ils sont plus là. Ouais. Et il t'a l'air sûr de ton affaire. Ouais, c'est les Blackhawks. Ouais. OK, donc c'est une nouvelle équipe qui gagne. Ouais, c'est ça, c'est un nouveau champion. OK. Et je voulais vous apporter un petit point intéressant. Du côté de les 4 équipes qui vont... On en connaît déjà 3 qui sont dans le carré d'as, comme qu'on appelle. Donc, les 4 équipes finalistes, on appelle ça le carré d'as. Et on a Boston, on a Tampa Bay et on a les Canucks présentement. Et les 3 équipes qui sont assurées d'être dans le carré d'as, on a 3 entraîneurs qui proviennent de la Ligue junior majeure du Québec. Ouh. Ça, c'est très bon pour la Ligue. On a premièrement Claude Julien qui est entraîneur pour les Olympiques de Hull. Il a aussi été entraîneur pour le Canadien de Montréal et tout ça. Mais dans la Ligue junior majeure pour les Olympiques de Hull. Et il a aussi été entraîneur pour les Bulldogs Hamilton, le club école du Canadien de Montréal. Ça, c'est pour Boston. Alain Vigneault pour les Canucks. Il a été entraîneur, lui, des Olympiques de Hull aussi. Arfan de Beauport, qui n'existe plus présentement. Et le Rocket de l'île du Prince-Édouard. On a aussi Guy Boucher pour Tampa Bay, que lui était entraîneur des Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc ça, c'est une très bonne chose pour la Ligue junior du Québec parce que ça donne du mérite à nos entraîneurs d'ici. Et on a seulement un entraîneur, le prochain, qui va pas provenir de la Ligue junior majeure du Québec. Donc c'est un point quand même intéressant. Mm-hmm. Ça va être assez pour l'instant pour la Ligue nationale. On va se diriger vers la Ligue américaine, le club école du Canadien de Montréal, les Bulldogs, qui ont fait un 7e match aussi. Mais le 7e match s'est rendu jusqu'en 3e période de prolongation. Et troisième période de prolongation. C'est en septième long. Match, ça commence à être stressant. On a besoin de beaucoup d'eau et du sucre pour passer à travers de ça. Et c'est finalement Dustin Boyd, un joueur étoile des Bulldogs, qui a joué un petit peu pour le Canadien de Montréal, mais qui y a une grosse différence de niveau entre les Bulldogs et les Canadiens. Donc, il peut être super bon pour les Bulldogs d'Hamilton, mais moyen pour le Canadien. Mm-hmm. Et c'est lui qui a fermé les livres et qui a permis à son équipe d'aller se coucher. Ah. Et donc, les Bulldogs vont affronter... En finale, ils ont gagné dans la finale du Lyon Nord contre les Moose du Manitoba et ils affronteront les Aéros, comme la barre de chocolat, oui. De Houston. Est-ce qu'ils sont à la menthe, eux aussi? Je sais pas. Mm. Mais c'est quand même une bonne équipe, donc ils doivent avoir un petit côté givré. Carrément. Ouais, c'est ça. Et c'est tout pour qu'est-ce qui est ligne américaine. LHMQ, ça se continue aussi. On a les. Il nous reste seulement une série, la série finale pour l'obtention de la Coupe du Président qu'on parlait tantôt. Oui, la Coupe sans nom. Ouais, la Coupe sans nom. Ouais. Là, on parle bien de la Ligue junior majeure du Québec. Ouais, là, on est rendu à la Ligue junior majeure du Québec. Et Saint-Jean qui visite Gatineau. Gatineau qui a réussi à remporter un match. C'est quand même intéressant parce que Saint-Jean, ils n'ont pas perdu beaucoup dans l'année. On a 68 parties jouées, 58 victoires, 7 défaites, dont une en prolongation et 2 en fusillade. Donc, c'est dur à battre. Là. Et on a seulement perdu une fois en série à date en 3 rondes. On a balayé en première ronde le Screaming Eagle au premier tour. On a remporté en 5 contre Victoriaville au deuxième tour. Et on a encore fait un balayage contre les Maniacs de Lewiston au troisième tour. Et là, au quatrième tour, ça se dirige en finale de la Coupe. Là, ça se dirige pour y aller en 5 matchs. Ils vont jouer demain soir. Du côté, ça risque d'être du côté de Saint-Jean, étant donné qu'ils ont la priorité de la glace. Et donc, ça va être super intéressant à suivre ça aussi. Donc, c'est ça. Et petite nouvelle en terminant. On parlait que peut-être que les Phoenix, que les Coyotes de Phoenix allaient se diriger vers Winnipeg, qu'on allait avoir une nouvelle équipe à Winnipeg l'année prochaine. Finalement, Phoenix signé une autre année. Ils resteront un autre an. OK. Aussi un fait intéressant pour le Colisée Pepsi, le Canadien affrontera le 1er octobre le Lightning du Tampa Bay au Colisée Pepsi. Ça va rallumer la flamme du hockey à Québec encore plus qu'elle est allumée présentement. Une autre petite nouvelle, la blessure à l'épaule de Louis Leblanc est plus grave que prévu. Il sera absent. Louis Leblanc, c'est un espoir du Canadien de Montréal. Okay. Il joue présentement pour le Junior de Montréal. Dans les junior. Ouais. Junior. Il joue junior et il appartient au Canadien de Montréal. Il sera absent pour 4 à 6 mois, mais il devrait quand même être rétabli à temps pour le camp du Canadien de Montréal l'année prochaine. Et au tennis, Rafael Nadal, numéro 1 pour le tournoi de Rome, s'est qualifié en quart de finale en battant Feliciano Lopez en 2-7 de 6-4 et 6-2, malgré une grosse fièvre. Là, c'est des 7-7. Là, c'est des 7-7. Comme au tennis. Là. Comme au tennis, parce qu'on est au tennis. Donc, c'est ça pour les petites nouvelles en rafale. Il n'y en a pas manqué aujourd'hui, présentement, ou presque présentement. Le Canada affronte la Russie dans le championnat du monde, la Russie. Et ce soir, donc, comme je vous parlais, le 7e match entre Détroit et les Sharks du New Jersey. Très intéressant, ça n'a pas manqué ce soir. Parfait, merci beaucoup Marc-Antoine. Ça fait plaisir. Marc-Antoine, la voix. La voix sportive. La voix sportive. Hey, tu parlais des Screaming Eagles, on a-tu battu Beau Jeans aussi? Screaming Eagles, c'est une joke de manteau. Là. Oh! Ouais. Elle était poussée celle-là. Ouais. Recherchée quand même. Ouais. Merci, encore une fois. C'est toujours plaisant de parler de sport avec toi Mathieu. Mais c'est un nouveau défi pour toi j'imagine, hein, parce qu'il faut vraiment que t'expliques tout là. Ouais. Tout. On comprend rien si t'expliques rien. OK. Mais il y a des auditeurs qui comprennent, par exemple. Oui, je sais. C'est pour ça qu'on ambitionne beaucoup là-dessus. Et qu'on fait des blagues seulement une fois de temps en temps. Ouais. Bon. Donc, c'est tout pour les sports. On va te retrouver la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, je vais vous parler du combat Jean-Pascal-Bernard Hopkins qui va se dérouler le 21 mai. Le feu est allumé du côté de la boxe. D'accord. Parfait. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. De toujours à la vie de croisière d'assemblage requis avec Marie-Pierre et moi-même, Mathieu Plante. Oui. C'est moi, toi, t'es toi quand même. Moi, c'est moi. C'est oui. On va retourner au palmarès parce qu'on vous le rappelle, tout l'été, on va diffuser le top 20 francophone une semaine et le top 20 anglophone l'autre semaine, comme ça en alternance, tout l'été à la vie de croisière d'assemblage requis. Et la dernière fois qu'on s'est quitté, en fait, c'était la position numéro 15 qu'on avait entendue. Donc, on est rendu à la 14e et on écoute Valès Pariétaire. Ça descend de 6 places. Voici Comme une étoile dans l'océan. Ah, waouh, Comme une étoile dans l'océan. Puis on est sur le bateau SS Requis. On va plonger, tiens. Est-ce qu'on peut faire tous ensemble un effet sonore de plongeon? Et Colin, il va se noyer, je pense. On va aller le sauver. Ah, on pourrait parler de pêche dans ta chronique aussi. Ouais, mais je ne me connais pas vraiment en pêche. Mais ah oui. Ouais, ah oui. C'est génial. Bon, on écoute la pièce, OK? Ouais. Bon, on est ensemble pour encore un bon bout de temps, donc profitez-en. je vais, c'est sûr que ça le fait. Saut de gros mets comme dans Belindo. Alexandrie, Alexandro. Je rentrais juste un peu de paillettes. Puis derrière moi, une coupe de Claudette. Ça le ferait, ça le ferait. Je te jure que ça le ferait. Plus vrai, c'est sûr que je le ferais. Samedi soir. Si j'avais voulu, Isabelle Boulay. Si j'avais voulu, si j'avais voulu, je serais peut-être Jean Leloup, Phil Lafontaine, puis son cœur de loup. Mais parmi les chanteurs de chansons populaires, ça laisse plus de Claude que de l'autre que j'ai like. Côte chromée, style Magnolo, les goûts du disco, c'est Anela. Père blond, ma guise de tout fait, puis dans ma tête, une coupe de Claude est plus vrai, plus vrai. C'est plus que parfait, plus vrai, c'est sûr que ça le fait. C'est le live, quel est le déloge de Mike? Des litres de light pour mon live de light. Claude François, c'est ça light de light. Plus vrai, puis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que ça le fait. Plus vrai, puis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que je le fais. Samedi soir, j'suis plus Claude que Claude que Claude des Montclans. Samedi soir. Oh, Gatineau avec une très très bonne pièce. Est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas cette pièce-là? Tout le monde l'aime, je pense. C'est clair comme ça. Karaoke King, un succès monstre, mais qui là vient de redescendre, si je me rappelle bien, de la deuxième place, oui. Donc 11 places de moins. Et avant ça, on a entendu Valès Pariétaire avec Comme une étoile dans l'océan qui, elle, descend de 6 places sur leur maxi Canicule et Ours polaire. Alors, on va se quitter pour quelques instants. C'est la fin de la première heure, Marie-Pierre. Oui, c'est la fin de la première heure. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe très très vite. On en a trois autres tout l'été. Hey. Donc, à un moment donné, on va faire comme fin de la première heure, bouhou. Hey, ah non, attends un peu. Yéhé, trois autres. Jusqu'à la fin, puis à la fin, on va faire bouhou pour vrai, puis on va avoir une semaine sans radio. C'est dur, une semaine sans radio, je trouve. Mais au moins, il y en a une autre après qui va suivre. C'est rassurant. Ouais, c'est ça, c'est rassurant, c'est le mot. Donc, deuxième heure tantôt avec la présence de Simon Fédibé qui va venir nous rejoindre pour sa chronique Le Scoot des Internets. Il va nous présenter les dernières technologies et les choses geeks qui se passent en ce moment sur des différents ordinateurs branchés sur différents ports. Ça va peut-être me geekifier un peu parce que je suis pas très bonne en technologie. Non. Tu seras jamais assez geek. Personne n'est jamais assez geek, je trouve. Moi, je m'assume tellement là-dedans. Et si ça peut finir par découler sur toi, cette geekitude qu'on aura à l'émission, ce sera tant mieux. Donc, on revient dans quelques minutes à la vie de croisière d'assemblage. Rookie, restez là. C'est fou pour l'écouter. 89.1. J'allais vraiment mettre l'intro des Palmarès, c'est fou, je sais pas ce qui m'a pris. C'est toujours dans l'émission La vie de croisière d'assemblage requis. Regardez ça, si je peux mettre le bon thème ici, regardez ça. Merci beaucoup. C'est la case horaire qui me fait ça. C'est l'habitude d'être dans les parents assez fous à ce moment-ci. Mais Marie-Pierre, à la Fange Gourette, toujours avec Mathieu Plante. Oui. À cette vie de croisière, on est en direct du bateau, le SS Requis. Ce beau bateau qu'on vous a monté il y a quelques semaines de ça, en direct à la radio, avec nos outils. T'as vu le résultat, comment c'est beau? C'est pas mal beau. Mais quand t'as dit on vous a monté un bateau, ça m'a juste pas pensé à Jerry Boulet. Hein. Ah oui? Ouais. J'ai monté un beau grand bateau. Ouais, on la mettra pas. Hein? Pas tant, hein, pas tant. J'aurais pu, mais on a décidé que ça passait pas. Bon. Non, mais c'est tellement qu'il fait beau sur ce bateau-là. Le soleil vient réfléchir sur tout le monde. Et ça donne plus de beauté à tous. Hein, Marc-Antoine, t'es beau de même. Toi. Beau chandail jaune. Tu voulais mettre de la vie dans notre studio. Oui, aux couleurs des Bruins. Oh. Oui, c'est ça, les sports, là. Les équipes de choses, là. Tout à l'heure, on va faire la chronique C'est un fait avec plein de faits sur étrangement. Là, vous avez trouvé ça bizarre, peut-être un petit peu, là, sur les chameaux. Oh. Les chameaux. Ça te va? Ça me va très bien. Mais pour l'instant, je suis pas sûr que ça a l'air d'étaler tant que ça. On va aller écouter une pièce de Avi Buffalo, c'est ça? Oui, Avi Buffalo, c'est okay. Summer Come. OK. Je connais pas ça. C'est très bon. Je les ai vus en spectacle l'année passée à Oshaga et c'était. Encore une fois, c'est un groupe qui est quand même jeune. Le guitariste et chanteur, il est très jeune, mais un pro de la guitare, c'est vraiment le fun. Comme Justin Bieber. Bon. pas exactement dans le même genre. Donc, Abby Buffalo et Summer Come, 89.fm, c'est la vie de croisière d'assemblage requis. C'est bon, ça, Avi Buffalo? Oui. C'est bien ça, la prononciation? Oui, c'est ça. Avi Buffalo. Et c'était le morceau qui se nommait Summer Come. Voilà. Et l'album vaut vaut vraiment la peine. L'album au complet, là, c'est une pochette toute colorée avec, on dirait c'est une peinture sur le dessus. Là. C'est leur, je crois que c'est leur seul album, donc pas trop de difficulté à trouver ça en magasin, je crois. Contrairement à, c'est quoi un buffalo en français déjà? Un c'est pas un... Buffle. Ouais, quelque chose. Je pense, hein? Ouais. Je pense que c'est ça. Ce serait le fun si c'était ça, j'aurais eu raison, c'est rare. donc, vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis avec Marie-Pierre et Mathieu. Et maintenant, c'est le moment d'une chronique que je fais depuis longtemps et qui ne s'améliore pas tellement avec le temps. Voici C'est un fait. Tout de suite. Voilà. Je l'avais dit que j'avais pas étudié mes termes de bateau, de nautique. C'est comment le volant là, d'un bateau, le gouvernail. Le gouvernail. C'est ça, j'allais dire que j'avais de la difficulté avec mon gouvernail. Le gouvernail étant un euphémisme pour dire j'ai de la misère avec la console. Okay. Donc c'est un fait aujourd'hui. Commençons avec YouTube. Savais-tu qu'en 2010, YouTube avait été regardé, en fait, des vidéos sur YouTube 700 milliards de fois? En fait, je trouve pas ça très surprenant. Non? Même un énorme chiffre comme ça? Non, je trouve pas ça surprenant. Non. Parce que des fois, les vidéos virales, en très peu de jours, ça peut monter à 20 000, 100 000 vues par jour. Ou 100... Donc, As-tu vu le gars qui parlait contre les Québécois? Ouais. C'était quelque chose, ça? C'est choquant, puis en même temps, tu le trouves un peu ridicule. Ouais, c'est ça. Tout le monde rit de lui plus que d'autres choses, mais bon. On dit aussi que 70% des vidéos partagées... que 70% des vidéos... partageait seulement 1% du nombre de vues. Donc 70% des vidéos étaient regardées par 1% des vues, à peu près. Savais-tu que du lait de chameau, on peut faire du yogourt avec ça, mais pas du beurre? Non. Eh bien, c'est le fun. Mais en fait, je savais même pas qu'on pouvait faire du lait de chameau. On n'en a pas, donc c'est plus rare qu'on parle de lait de chameau. Hein? Peut-être que c'est très bon, on sait pas. Les chameaux, toujours dans le sujet des chameaux, ils peuvent boire 30 gallons d'eau à la fois, absorbant ça dans leur peau, au rythme de 2 gallons par minute. 2 gallons d'eau par minute. Aïe. Hey. Savais-tu d'où viennent les chameaux? De quel continent, de quel endroit ils viennent? Non, je ne m'essayerai pas non plus, ben, parce que je pense que la réponse, elle sera pas pareille comme mon hypothèse. Non, et vraiment même beaucoup plus proche qu'on le pense, c'est l'Amérique du Nord. Les chameaux sont originaires de l'Amérique du Nord. Ils ont débuté, ils sont nés il y a 40 millions d'années. 40 avec 6 zéros après, 40 millions d'années. Les brosses qui sont faites de poils de chameau, vous avez déjà vu des brosses comme ça, c'est pas vraiment fait à partir de poils de chameau. On nous dit que c'est fait à partir d'écureuils. Un peu moins tentant, mais c'est un fait selon les différents internets. Il y a une langue qui s'appelle l'Abkhaz, A-B-K-H-A-Z, qui est une langue du Northwest Caucasus, le Caucasus Nord-Ouest, quelque chose de genre, qui n'a seulement que deux voyelles. Deux voyelles. Est-ce qu'on sait c'est lesquels? Non. Ah. Non. C'est les internets sont vagues dans leur précision. De l'autre côté, il y a le langage du Cambodge, le cambodgien, qui a 33 différentes voyelles. Et c'est ça, je ne sais pas s'ils sont communes à nos voyelles, donc je ne sais pas, c'est pour ça qu'ils ne les précisent pas. C'est pas un A et un E, c'est quelque chose d'autre qui vient de cette langue-là, mais qui est considéré comme une voyelle et non comme une console dans la langue d'origine. Le Coca-Cola a un pH de 2,8. OK. OK, c'est bien. C'est donc, la norme, c'est 7, si je me trompe genre, pas. Genre, donc okay. 2,8. C'est bien. Le corps humain brûle environ 60 calories par heure lorsqu'il dort, 85 pendant qu'il mange et 130 calories en travaillant sur l'ordinateur, comme moi en ce moment. 130, je brûle les calories, c'est malade, j'adore ça. OK, mais je vais faire juste ça de ma journée. Ça pourrait être pas pire. C'est peut-être les yeux qui vont avoir de la difficulté avec ça. Hein? Ah, peut-être, à date, ça, ouais, c'est ça, j'ai des lunettes, hein? C'est à peu près ça. Ça vient de là, je pense. Ça vient pas mal de là. T'as plus de chances de te faire piquer par une abeille lors d'une journée où il vente que sous n'importe quelle autre météo. Il vente plus de chances d'avoir une abeille. Pourquoi? Aucune idée. C'est ça des faits, en rappel. Se décrotter le nez. Soyons francs dans les termes. Tournons pas autour de la narine. Non. Ouais. Donc, si on se pogne le nez trop souvent, ça s'appelle la rhinotilexomanie. Tiens okay. Ça. Rhinotilexomanie. Bon. Seulement 3 pays n'ont pas adopté encore le système métrique en tant que système officiel de leur pays pour les poids et les mesures. On parle du Burma, du Libéria et les États-Unis, évidemment. C'est des gens résistants au changement. Les autres sont tous passés à un système plus compréhensible et dont évident, alors qu'ils sont pris sur des affaires de 12 et de 8e de je sais pas quoi. Mais s'ils sont contents là-dedans, ça m'étonne bien. Oh oui. Chacun son truc préféré. Voilà. On va les laisser faire. C'est bien correct. Si les Américains sont tout seuls de leur côté avec ça, avec deux autres petits pays de même. Le Q de Q-tips. La lettre Q, oui. D'accord. La lettre Q dans un Q-tip, ça veut dire qualité. Eh bien, apparemment qu'au début, les Q-tips s'appelaient les baby gaze. Gaze. Baby gaze. Eh bien, c'est pourquoi? Okay. Là, je vais cacher les miens. Le terme médical pour des seins masculins, si on veut une poitrine, en tout cas. C'est la gynécomastie. Attends, peux-tu répéter ça un autre coup? Les seins? Le terme. Gynécomastie. OK. En anglais, gynécomastia. Donc, je l'ai traduit un petit peu littéralement. Espérons que c'est bien ça en français. Gynécomastie. Je trouve que ça sonne bien. Donc, c'est le terme médical pour des gars qui ont des seins prononcés. Au début, Tweety Bird était rose. Hein? Tu me diras, hein? Je le crois pas. Je ne le crois pas. Donc, Tweety Bird était rose et on a ajouté des plumes jaunes plus tard parce que les gens critiquaient disant que l'oiseau avait l'air tout nu. Parce qu'il était rose. Comme une petite peau de petit oiseau. On dirait que je m'attendais plus à ce que le monde critique parce que ça n'a pas l'air réel ou quelque chose comme ça. C'est trop féminin. Ah, je sais pas. Bon, je sais pas. Bon, Tweety Bird était rose et maintenant est jaune. Bon. En 2009, les Américains ont utilisé 378 millions de gallons de gaz par jour en 2009. Et 378 millions. Pas autant que de gens qui ont regardé des vidéos sur YouTube. Mais quand même. Cette semaine, le 16 mai, hein, c'est dans les prochains barres obliques présents, barres obliques passés jours. Mais ça, c'est la semaine prochaine, si je me trompe. La semaine prochaine, ça tombe quand? Ça tombe Je dirais un lundi. T'as exactement raison, c'est un lundi. Donc, ça englobe même les gens qui nous écoutent le lundi. Donc, aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent le lundi, c'est le 25e anniversaire de Top Gun. Oh! dont la trame sonore a marqué bien des discothèques de mes parents et de d'autres parents de gens, j'imagine. Top Gun, c'était comme la référence en musique, disons-le, d'un certain genre, tu sais. Bon. Donc, Top Gun, 25e anniversaire, 16... j'ai oublié de dire l'année, même si vous pouvez compter vous-même, j'imagine, mais 16 mai 1986. Bon. Le nom, et on va terminer avec celui-là, le nom Skype. Tu connais Skype, le logiciel pour discuter virtuellement. Le Skype, donc, vient de la phrase Skype peer-to-peer, qui est devenu Skyper. Et quand ils sont aperçus que le nom de domaine était déjà pris, ils ont lâché le R pour faire Skype. Donc, Skype peer-to-peer. Peer-to-peer, c'est personne à personne. Sky, c'est le ciel. Comme on voit dehors sur le bateau, il me semble que les vagues ont arrêté et qu'il n'y a plus de goéland pendant qu'on fait cette chronique-là. Je sais pas ce c'est calme. C'est plus calme. On est rentré dans une petite salle plus fermée pour faire les chroniques. Ça a l'air plus professionnel. Quand on vient jaser, on est sous nos chaises longues dehors. C'est ça, hein? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on prend un petit break là, de bateau. C'est ça. Hein? Hey, là, voyons donc, regarder l'eau à un moment donné, ça donne. Yeah. Quand tu regardes l'eau, tu t'aperçois que Marc-Antoine a jeté le bord, tu sais. A été jeté par-dessus bord de notre bateau. Oh, et Marc-Antoine est parti se baigner, là. C'est ça, comme tout le monde, avec ses petits swimmails, là. Orange, là. Ça fit avec son chandail jaune. Je trouve ça beau. Voilà pour la collègue, c'est un fait pour cette semaine. Marie-Pierre. T'aimes ma prononciation de Marie-Pierre. Marie-Pierre. On va écouter une pièce de la trame sonore de Scott Pilgrim. Ça a marqué mon année la plus récente, là, 2011, qu'on appelle. Je sais pas si t'as vu le film Scott Pilgrim vs. The World. Non, et je ne connaissais pas ça non plus. Il faut vraiment que tu t'y mettes. C'est un film très... Si tu veux devenir geek, là, c'est un film fait pour les geeks. Jeux vidéo partout, référence à jeux vidéo, aux bandes dessinées, à la musique indie. Il y a du Metric là-dedans sur la trame sonore. Il y a plein de bonnes choses. Tu reconnaîtras peut-être des noms tels Broken Social Scene, oui. Beck... Évidemment, Beck est là-dessus. Il y a un paquet de groupes qui sont dans le film, donc des groupes qui ont été créés à partir des acteurs, dans le fond, dans Scott Pilgrim vs. The World. On va écouter l'extrait Garbage Truck de Sex Bob-omb. C'est très, très court, très rapide. Et puis, on revient plus tard avec la suite de nos palmarès. C'est fou, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier. Là. Il nous en reste 9, je pense. Genre, on est à la moitié. On est amplement dans les temps. C'est bon, ça. Vous êtes à la vie de croisière d'Assemblage Rocky. Take you for a ride. I'm a garbage truck. Oh no. I take you to the dump. 'Cause you're my queen. Take your town. I show you the sights you know you wanna ride. I'm a garbage truck. Well, there's the mansions by. Drive right through the needle's eye. Oh my. My, my, my, my. I I'll be your garbage man. I'll take out your junk and I'll crush it down. Jesus in the rear view and the highway patrol is up ahead. In my garbage truck, I'll never throw you away. When you're old and gray, we'll just roll it away. Aller entendre le numéro 12, qui est la chanson « Après tout » de Karim Ouellet. Et si on s'en souvient bien, dans le dernier palmarès, elle était en position numéro 19. Elle a donc monté de 7 positions. On écoute ça au palmarès dans Assemblage requis. Hey, j'ai parfois l'impression

sentir un trait. En avril, tu fais le point. Tout ne tient qu'à un fil. La vie nous plie, courbe les lignes. Tout ne tient qu'à un fil. La vie nous plie, courbe les lignes. Rien n'est plus fragile, non, rien n'est plus facile à briser que le fil qui nous relie. Rien n'est plus fragile, non, rien n'est plus facile à briser que le fil qui nous relie. Rien n'est plus fragile, non, rien n'est plus facile à briser que le fil qui nous relie. Rien n'est plus fragile, non, rien n'est plus facile à briser que le fil qui nous relie. Alors, on vient d'entendre « Avril » de Jérôme Minière, qui était la position numéro 11 du palmarès. Oui, avant ça, on a entendu Karim Ouellet avec « Après tout » qui monte de 7 places. C'était nouveau la semaine passée sur l'album « Plume ». Jérôme aussi était nouveau « Jerry ». Jerry. La semaine passée, Jerry. On va apprivoiser cette pièce-là, on va la digérer. Mais c'est parce que l'histoire de Jerry, ça vient... Tantôt, je me demandais si Karim était un garçon ou une fille. Ouais. Mais là, on s'est dit, Jérôme, là, je le sais que c'est un garçon. Voilà. Il n'y a pas de doute. Non. Et tu vas découvrir les vrais sexes de chacun de nos artistes au fur et à la mesure qu'on va les écouter, ici, dans la vie de croisière d'assemblage requis tout l'été. Parce que c'est ça, on vous présente le top 20 franco une semaine et le top 20 anglo l'autre semaine. C'est ça le principe de cet été sur notre bateau, le SS requis, avec les goélands. Hey, c'est ça, on est bien en vacances, hein? Ben oui. Ah, les pieds dans l'eau. Je sais pas si... ouais, les pieds dans l'eau. Ouais. On pourrait animer les pieds dans l'eau. Il y a sûrement un spot qui part sur le bateau. Il va falloir l'explorer. On vient d'arriver sur le bateau, nous autres. Ouais. On est arrivé il y a à peu près 1h30 et on va le quitter dans combien de temps qu'il reste environ? 2h30. Exactement. Oui, c'est ça, parce qu'on fait une émission de 4h. Sans dire à quelle heure on commence et à quelle heure on finit, parce que ça dépend des jours. Pour les gens qui nous écoutent, en direct le jeudi entre 13h et 17h, c'est en rediffusion le samedi à midi et le lundi à 15h. Bon. Donc, tout à l'heure, on va continuer le palmarès avec les Jigs et Hôtel Morphée, oui. Mais avant ça, on va parler de choses qui vont nous ramener en enfance avec la nouvelle chronique de Marie-Pierre. Oui, parce que, bon, pour vous mettre en contexte un petit peu, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des camps de jour. C'était quoi ton petit nom, ton surnom? C'était Eclipse. Eclipse. Oui. Ah ben. Pendant un bon... mon Dieu. C'est-tu pendant 9 ans? Ça donc, quelque chose comme ça. J'ai été très longtemps à Eclipse. Et bon, mes plaisirs coupables, l'été, on va dans des sorties avec les enfants, mais ce que les moniteurs diront pas toujours, c'est qu'ils trippent autant qu'eux. Donc, moi, c'est j'adorais aller aux sorties parce que bon, ça réveille l'enfant en chacun des moniteurs. Puis quand les animateurs des endroits disent « Ah, veux-tu participer? » Ben moi, souvent, j'étais aussi contente que les enfants. « Ah oui! » C'est un plaisir coupable. Mm-hmm. Mais j'ai trouvé un endroit dans les dernières années, ça s'appelle le Fort Angrignon. C'est au parc Angrignon à Montréal. C'est un peu... bon, pour faire une comparaison, ça se compare un peu à Fort Boyard. Donc, à peu près tout le monde dans son enfance a déjà écouté Fort Boyard. Oui. Et c'était dans le fun. Et ça rappelle un petit peu Fort Boyard. Parce que, bon, c'est à peu près un minimum de 3 équipes. Donc, 3 équipes qui s'affrontent, mais qui ne jouent pas ensemble. Okay. Parce que, bon, tu formes des équipes d'à peu près 8 à 10 personnes. Et bon, je vais vous dire le tarif tout de suite. C'est pour une équipe de 10 participants, de 8 à 10 participants, c'est 200 $ plus taxes. Donc, c'est à peu près 20 $ par personne. C'est ça, c'est pas cher. Mais c'est pour une soirée entière. Oh! Parce que, bon, il y a des soirées adultes. C'est les vendredis et samedis soirs de 18h30 à minuit. Donc, c'est une grosse soirée. Tu t'en vas là avec une gang d'amis, à peu près une trentaine de personnes. Et c'est à peu près 20 $ chacun. Et ça aussi, réservez-le à l'avance parce que, bon, pour les prochaines soirées, les vendredis soirs et samedis soirs, je crois que ça va à peu près au 15 juin. Donc, si ça vous tente d'y aller au cours de l'été, il faudrait que vous contactiez déjà le Fort Angrignon pour réserver un soir. Et bon, c'est 3 équipes qui s'affrontent et là-bas, de la manière que ça fonctionne, c'est que c'est séparé en petites épreuves. Donc, par exemple, ça va être souvent des vitres, donc des vitres... transparente, oui. Derrière lesquelles tu vois l'épreuve. Donc, c'est un couloir avec plein d'épreuves sur les côtés. Et parfois, bon, ça va être 3 personnes qui vont participer. Un peu encore le concept Fort Boyard. Oui, un peu comme des fois, il y avait ça des va caméras être 2 personnes, des... une personne ou toute l'équipe. Donc, tu vois toujours l'épreuve qui se déroule. Mm-hmm. Mais c'est vraiment des épreuves qui vont aller chercher autant physique. Donc, par exemple, passer entre des élastiques, tout coincé le plus de fois possible. Oh, pardon. Ça va être également, par exemple, aller chercher des balles le plus rapidement possible. Ça va être des trucs un peu plus intellectuels, des trucs un peu plus d'escalade. Donc, il y en a pour tous les goûts et ça rappelle vraiment l'enfance. Donc, on s'y croit presque dans le fort, le Fort Boyard. Et non, c'est vraiment le fun parce que tu compiles les points tout au long de la soirée et les animateurs sont excellents. Donc, ils animent tout ça et à la fin de la soirée, dévoilement des gagnants et prix coup de cœur, des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Okay? Je vous le dis, les enfants trippent et les adultes autant. Ah. Oui, je vous le suggère fortement. Donc, le Fort en Grignon, c'est à Montréal. Et si vous voulez plus d'informations, c'est leforengrignon.qc.ca. Et c'est si simple. Vous voulez y aller, c'est environ une trentaine de personnes pour un tarif d'environ 20 $ chacun. Donc, c'est presque gratuit pour le plaisir que ça donne. Oui, vraiment. Oui. Félindra, tête de tigre! Félindra, tête de tigre. Bon. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Et tu vas nous ramener en enfance une fois de temps en temps comme ça dans la vie de croisière d'Assemblage Rock. Oui. Ah, yeah, c'est le fun, on aime ça. Alors, on va retourner avec notre palmarès. On va continuer la suite logique des choses. On est rendu à la position numéro 10. Oui, c'est les Jigs avec Qu'est-ce que tu fais qui monte de 4 places. Et ensuite, on va entendre la 9e position francophone. Oui, la 9e position, c'est le groupe Hôtel Morphée et les Oiseaux de Verre. Bon. Ça va être bon, ça! Hein? Oui. C'est pas pire, c'est un groupe. J'ai pas besoin de savoir si c'est un groupe. Yeah.

frappé un os. Une fille l'a pris pour un malade. Lui la voulait pour ses noces. Elle seulement pour une balade. Le pauvre a viré un peu fou dans la rue. Il a fait la roue. Puis s'est réveillé dans une chambre portant une camisole blanche. Il me dit, la vie c'est une vraie boucherie. Et je me suis encore fait prendre. Ah. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Venez manifester votre filet mignon d'intelligence. Il y a une belle brochette de personnel. Et que dire de la clientèle vous traitera comme de véritables morceaux de viande. Le dernier endroit branché aux marines la déveine, dans les parfums chers payés et tous de marque italienne. Toi dans le triangle amoureux, quelle coupe de viande te convient le mieux? Ton triangle passe au carré, la scie ou le couteau de boucher. Oh ouais, la vie c'est une vraie boucherie, il ne faudrait pas te reprendre. Ah. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. L'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Comptoir des viandes par Christian Jacques, ici dans la ville de croisière d'assemblage requis. Ça monte de 5 places et la position numéro 8. Avant ça, on a eu la position numéro 9, n'est-ce pas, Marie-Pierre? Oui, la position numéro 9, c'était Hôtel Morphée avec les oiseaux de verre. Ah ben, quel beau bloc. On va être rendu donc tantôt aux positions numéro 7 et 6 au moins. On va entendre Martin Léon et Bio Bazar, mais avant ça, on va accueillir en direct de notre bateau et dans l'autre studio, il y a moins de bruit de mer, là, celui où il y a plus le silence autour. Là. C'est le Scout des Internets. Scout des Internets. Scout des Internets. Oui, c'est bien moi qui chante, Marie-Pierre, sur cette chanson thème. C'est mélodieux. C'est quelque chose. Hein? C'est incroyable. Donc, on accueille Simon Fitzbé qui d'habitude fait cette chronique-là, le Scout des Internets, dans le dîner de cons, lundi au jeudi, entre 11h et 13h. Mais l'émission fait relâche l'été et va être de retour à l'automne. Effectivement. Donc, tu vas pouvoir y retourner cet automne, mais pour l'instant, t'es avec nous. Oui, je trompe les cons sans nécessairement les tromper. On est vraiment à break, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est normal. Exact. T'es pas supposé être au dîner de cons, ils n'existent pas. C'est bon. Ça. Donc, tu vas nous parler de choses geeks, de choses technologiques, des nouvelles informatiques et n'importe quoi d'autre. Et autres. Exactement. Gadgetiques. Gadget. Et on va en même temps faire de Marie-Pierre une geek. Certainement. d'ici la fin de l'été, elle va avoir un iPhone blanc. Ah oui! C'est clair. Ah ben. Oh, vous m'aurez pas sur ce coup-là. Ah, oh. Un iPad peut-être, ça. Qu'il y avait un point de plus. Ouais. Donc, par quoi on commence, Simon, aujourd'hui? La grosse nouvelle qui a eu lieu, en fait, cette semaine, c'est-à-dire dans le milieu de l'informatique, Microsoft qui a décidé d'acheter Skype. Oui! Pour 8,5 milliards de dollars, ce qui est assez incroyable pour une compagnie qui fait des déficits de 7 millions par année. Ah, ils font tant de déficits que ça. C'est pas une compagnie à profit. Non, pas du tout, okay. Puisque il y a 1% des utilisateurs de Skype qui sont payants, en fait. Ah oui. Il y a seulement 1% des gens qui utilisent les systèmes payants, c'est-à-dire simplement lorsqu'on achète un forfait pour pouvoir faire des conversations vidéo, pour pouvoir faire des appels conférences. Sinon, Skype est à peu près gratuit sur tous les niveaux. Ce qui est intéressant, c'est l'agence France-Presse qui a mis sur pied l'ascension de Skype date par date. Donc, on va sortir les dates importantes. La fondation de Skype en 2003, c'est les Suédois Niklas Zennström et Janus Fries. Je trouve comme trop primé pour dire les noms. Oui, tu voulais vraiment dire Janus Fries. Janus Fries. Donc, qui enregistre au Luxembourg leur société Skype et qui lance la première version publique en août. C'était gratuit, bien sûr, Skype au tout début. Départ, il n'y avait pas vraiment de forfait pour pouvoir acheter. Ça s'est fait assez rapidement. En 2005, les deux créateurs vendent Skype au site eBay, bien sûr, pour 2,5 milliards de dollars, ce qui était déjà quand même assez bien. Malgré que eBay n'ait pas nécessairement trouvé son compte là-dedans, puisque en 2009, ils ont décidé de se séparer de Skype, c'est-à-dire en avril 2009. Ils ont vendu, en fait, 65% de Skype pour 1,9 milliard de dollars. Donc, ils en sont sortis quand même kiff-kiff pour ce qui est de l'argent, puisqu'ils gardaient quand même 35% de la compagnie. Ils ont vendu ça à des investisseurs. C'est le fonds d'investissement Silver Lake qui avait aussi donc d'autres compagnies. Il y avait d'ailleurs le fonds de retraite du Canada qui avait mis de l'argent dans Skype aussi. Donc. Le fonds de retraite du Canada. Oui, donc le fonds de retraite du Canada a fait de l'argent avec. Oui, parce que les retraités sont les plus grands utilisateurs de Skype, on sait. Oui, ça, là. Ok, oui. C'est oui, mais donc Skype qui voulait entrer en bourse également en août 2010, mais malheureusement, donc Skype fait pas beaucoup. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on dit qu'il y avait 8,8 millions d'utilisateurs payants sur 663 millions d'inscrits. Wow, hein? Donc, c'est pas très, très gros. Et en mai 2011, Microsoft rachète Skype pour 8,5 milliards. C'est intéressant de se demander ce qu'ils vont faire avec ça, honnêtement. Vraiment? Parce que, bon, on sait qu'il y a la compétition quand même grosse là-dessus. Google avec le fameux Gmail Phone. Hein, maintenant, on peut appeler, faire des conversations vidéo également avec les gens. On peut même recevoir des appels Gmail sur son téléphone quelconque. Faut que ça soit un téléphone intelligent, je crois, par contre. On peut pas faire d'appels avec les iPod Touch. J'ai essayé, malheureusement. On peut pas aller sur le site de Gmail pour appeler. Non. Parce que si vous avez un compte Gmail, une version américaine, vous pouvez faire des appels partout en Amérique du Nord gratuitement. Ben, tu vois, c'est ça que... Je vais faire mon historial là-dessus. Là. Mais je jasais avec un ami, on va l'appeler Danny, mettons, qui disait tu sais qu'un iPad, c'est un téléphone. Parce que tu peux télécharger une application quelconque pour faire un téléphone. Oui. Il disait, c'est un téléphone. Je disais, non, c'est pas un téléphone. Tu peux peut-être avoir l'option, mais c'est pas un téléphone en tant que tel. C'est comme dire, tu sais, c'est comme, mettons, je prendrais un canot puis je mettrais des roues puis dire, c'est un char. Mm-hmm. Non, c'est un canot. Ça donne à pouvoir aller sur la route parce qu'il y a des roues. Ouais. C'est un canot. Oui, mais tu vois, c'est en même temps, moi, je considère pas nécessairement le iPhone non plus comme un téléphone. Ouais. J'ai toujours considéré ça comme un iPod avec une fonction pour téléphoner parce que les gens s'en servent même pas pour téléphoner pour quand tu t'en. Non, je sais pas ça. Mathieu, là, je sais que t'en as un. Que... Non, moi c'est plus message texte à Internet, c'est comme un ordinateur miniature. Ouais, exactement, exactement. Et c'est très bien comme ça, mais c'est qu'on essaie de vendre ça comme un téléphone, comme l'iPad qui est pas un téléphone, mais qui est pas non plus un iPod. C'est quelque chose de complètement différent. C'est ça, mais tu sais, on le vend comme de quoi tu peux faire de la conférence FaceTime, là, de la visioconférence. Ou je ouais, l'application d'ailleurs qui coûte de l'argent. Hein, si, ouais. Si tu veux l'acheter, je pense que c'est 1,99 FaceTime. Ouais, je crois que c'est une affaire de loi ou de quelque chose comme ça. Possible. Ils ont pas le choix de faire ça. C'est comme. C'est possible. J'ai vu ça sur bien des applications. Ouais. Bref. Mais quand même, c'est intéressant de voir donc ce que Microsoft va pouvoir faire. On pourra peut-être avoir une fusion avec Skype et MSN. Ouais, ben c'est sûr. En tout cas, moi, ma prévision, si Microsoft a acheté Skype, c'est qu'il va changer de nom pour Windows Live Skype bientôt. Oui. Il faut que ça s'appelle Windows Live quelque chose. Mais Windows Live, c'est tellement un nom. Windows Live, pour changer ça. Ouais, pas Hotmail, faut plus appeler ça. Là, c'est revenu à Hotmail, mais avant, c'était Windows Live Mail. Online, genre. Et l'adresse était. Tu vas avoir une adresse live.com à la Hotmail. N'importe quoi. Mais quand même, pour aussi, on peut faire compétition à iChat également avec ça. Parce que iChat, qui est le système de communication de Mac avec lequel on peut... Pas bien les gens qui l'utilisent. Je crois que c'est vraiment comme très, très... C'est surtout les Machettes qui vont l'utiliser. Les vont utiliser MSN même sur un Mac. Oui, mais dans le cadre du travail, moi, j'ai un compte iChat pour mon travail. Et je peux parler avec mes patrons ou avec mes collègues avec ça. Donc, c'est assez intéressant pour ça. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez marginal. Ouais. Mais on pourrait avoir une montée de ça puisqu'on peut se connecter également avec des comptes de instant messaging de diverses compagnies Yahoo exactement pour se connecter avec iChat avec ça. Donc ça peut devenir plus intéressant dans le futur. D'accord. Donc bref, voilà pour Skype. Voilà pour Skype et je rappelle pour ceux qui n'avaient pas entendu la chronique, c'est un fait, Marie-Pierre, si tu en rappelles peut-être, que le nom Skype, est-ce que tu sais d'où ça vient? Non, aucune idée. Ça vient de la phrase Sky peer-to-peer, d'accord? OK. Et c'est devenu Skyper. Et ensuite, le nom de domaine était pris, donc ils ont lâché R pour faire Skype. Ah! Hein? C'est pour ça qu'il faut écouter la chronique, c'est un fait. Mais oui, non. Mais c'est intéressant. Mais oui, mais. Ton baladeur! Ouais. Avec ses foutus! C'est vrai. Ouais. Télécharge notre application iPhone disponible sur le iTunes Store! Ouais, j'aimerais bien, mais je n'ai pas l'iPhone. Passe dans la prochaine nouvelle, sinon tu vas avoir l'air d'un loser si t'as pas l'iPhone. Et les Blackberry sont bien beaux, man. Ouais. Mais comme ils disent dans l'annonce, hein, si t'as pas d'iPhone, ben. T'as pas d'iPhone, hein? Ouais, ben. Sont-tu fendant que ça danse là, sérieux? Il y a d'autres pubs. Faudrait que je te montre la pub. J'avais vu justement une parodie de ça, du iPhone, mais c'est trop vulgaire pour qu'on puisse en parler en justement, parlant de quelque peu de vulgarité, est-ce que vous avez écouté le mariage royal? Parce que c'est un phénomène Internet qui en est sorti de ça. Non, mais je pense que tout le monde en a entendu beaucoup parler. Du mariage? Oui. Kate Middleton est donc belle avec sa belle robe. Hein? Oui, mais l'attention n'est plus envers Kate Middleton. Maintenant, c'est sa plus jeune sœur qui est devenue l'attraction. Peppa. Philippa de son nom complet. C'est très, très laid. Peppa, c'est mieux. Mais qui est devenue un phénomène Internet puisqu'on l'a découvert, entre autres, grâce à son arrière-train. Oui. Il y a un site Facebook, je ne sais pas à combien de fans sont rendus, mais une semaine après le mariage royal, il était rendu à 140 000 fans de la Pippa Middleton Ass Society, quelque chose Appreciation mais Society. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle portait une robe très, très moulante et elle avait souvent à se pencher pour ramasser la traîne de sa sœur. Je cherche Pippa Ass. P-I-P-P-A-A-S-S en deux mots. Et une des premières photos, c'est ça. Elle est penchée, hein? Elle est très penchée. Et d'ailleurs, les photos d'elle en bikini également qui ont commencé à ressortir parce que. Ben oui. Elle n'était pas au centre de l'attention, bien sûr, à cause de sa sœur, mais également, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est à l'avant-scène dans sa vie de tous les jours. Mais là, elle est de plus en plus populaire. Elle ressemble beaucoup à sa sœur et on dit qu'elle pourrait trouver des contrats un peu grâce à cette soudaine popularité Internet. Elle pourrait participer donc à des campagnes de mannequins X, etc. Wow. Ouais. Chanceuse, hein? Ah, tout ça pour simplement des attributs physiques. Qu'elle a même pas décidé d'avoir. Non. Elle a quel âge? Début vingtaine. Je crois qu'elle a quelque chose comme 23 ans, moins que ça. Si moi ou Kate a l'air plus jeune. Les deux ont l'air quand même plus vieilles à leur âge. Ouais. Mais la mère Middleton a l'air plus jeune. Ah. Donc, ils se ressemblent plus jeune comme... que ses filles. À peu près dans le même âge. C'est qu'elle a un visage très jeune et les deux filles ont un visage, on dirait, plus vieux, plus marqué, plus les traits sont plus... Ils ont plus de vie. Ils sont plus sévères. Ouais. C'est plus clair. Oui, exactement. Donc, c'était... Mais dans le fond, il pourra passer pour trois sœurs, là, la mère et les deux filles. Donc, c'est assez particulier. Mais quand même une très, très jolie fille qui a rien envie à personne. Maintenant, on passe encore d'une autre chose. Le portefeuille numérique Visa qui va apparaître au Canada cet automne. Ah, mais qu'est-ce? C'est simplement, on n'aura plus besoin d'argent papier, on n'aura plus besoin de carte non plus. D'ailleurs, c'est quelque chose un peu qu'on a avec les téléphones cellulaires. Maintenant, avec l'iPhone, on va pouvoir payer avec son iPhone de passer devant un scanner. On se croirait au Japon, parce qu'au Japon, ça depuis tellement longtemps. Ça fait déjà la petite puce là, qu'on avait après les porte-clés dans les stations-service. Les PayPass. Oui, exactement. C'est un peu ce qu'on veut essayer de faire justement avec ça. C'est très pratique. Oui, c'est Visa qui compte en fait de profiter de l'émergence du commerce électronique pour... de la mobilité informatique, en fait, pour se démarquer de ses rivaux en troquant la carte de crédit pour un portefeuille numérique, le paiement, donc, en un clic ou le paiement par téléphone intelligent interposé. Mais il me semble que ça doit pousser le monde à consommer encore plus. C'est sûr. C'est ça. Mais oui. C'est fun de penser. C'est comme acheter une application. Ben oui, mais c'est comme d'aller sur l'iTunes Store, acheter des pièces de musique ou acheter des applications sur l'App Store. T'as juste à cliquer, il te demande un code, puis après ça, l'as déjà. Il te demande un code la première fois, tu fais OK, et puis là, après ça, la deuxième. Je pense que tu peux faire plusieurs transactions en dedans de 10 minutes, genre, et puis ils te demanderont pas. Là, exactement, donc fait, ça paraît vraiment pas. Jusqu'à temps que tu reçoives ton bill. Une semaine plus tard, t'as comme 15 heures de moins, et bien, d'accord. Faut faire attention à ces achats. Pour des choses que tu fais. De moins, une petite envie de pleurer. Une fois de temps en temps. Pleurer de tristesse pour l'argent, mais de bonheur pour le plaisir que ça peut m'amener, ces applications-là sur l'iPhone. Ouais, sur l'iPhone peut-être, mais sur l'App Store, sur un Mac. Ben, j'aime bien. Honnêtement, j'aime quand même. J'en ai acheté quelques-unes. Je te dirais pas que j'en ai acheté des tonnes, mais quand même quelques-unes, des petites affaires à 1 ou 2 heures, des applications genre qui vont dans le coin de ton écran. Mm-hmm. Et puis, non, je trouve ça bien la façon que c'est fait. Même si tu repars ton ordinateur à neuf, tu peux retourner sur l'App Store, retélécharger gratuitement les applications que tu avais. Ils les ont en mémoire. C'est centralisé, c'est très bien. Moi, j'ai fait venir iWorks sur avec mon Mac, déjà compris. Et quand je vais sur l'App Store, ça me dit c'est déjà installé. Donc, c'est assez intéressant. Très bien. Et puis, en plus, les prochaines mises à jour, là, on dit que Lion, etc., là, après, je sais peut-être pas Lion, c'est que Lion va sortir encore sur DVD, mais après ça, éventuellement, ça va être des mises à jour fournies par le App Store pour pouvoir mettre à niveau. Ah, mais c'est intéressant, ça. Oui. C'est très intéressant. Maintenant, on peut parler des réseaux sociaux aussi. On parle d'une explosion, de l'usurpation d'identité qui a lieu sur les réseaux sociaux. Les gens qui se font passer pour d'autres. Oh, c'est bien. Hein, c'est comme sur Twitter avec des fausses Ruth-Hélène Brosseau. Oui, c'est justement là je voulais en venir. Il y a pas Claude Poirier aussi qui s'était fait ça m'étonnerait même pas. Il était fâché. Ben oui, il était très fâché. On a déjà vu sa fameuse sur les internets, sa fameuse crise contre Marie-France Bazot qui l'avait critiqué. Donc j'imagine la page Facebook, ça devait être au même niveau. Là. Il devait être très, très fâché. Ouais. Après que les gens y aient expliqué c'est quoi Facebook, par contre, parce qu'ils devaient pas le savoir vraiment. Mais, il y a un cours pour ça dans une école à Trois-Rivières. Il y a vraiment un cours. Là, j'ai déjà parlé à il y a un cours sur Facebook. C'est genre 100$ pour je sais pas combien d'heures, un cours sur comment utiliser Facebook et Twitter. Dois avoir des cours pour ça, c'est que tu trouveras pas tes amis de toute façon dessus. Non, fait, c'est vas-y ça, même pas. Là. Ça vaut pas vraiment la peine. Vous avez écouté mes chroniques tout le temps de quoi sur cfou.ca. Donc, Donc, c'est de l'autopromotion sans cesse, je sais. Oui. Ouais. Donc, Ruth Hélène Brosseau, justement, oui. C'est là que je voulais en venir. La belle Ruth Hélène Brosseau. Qui s'est fait usurper. Ah oui. Hey, l'as-tu vu? Hein, Marie-Pierre? Hein? Je l'ai vu tantôt dans le Nouvelliste. Ouais. Et pas pareil comme sur la photo qu'on avait vue en hein? premier. Non, mais la photo prise avec les yeux très, très baissés, juste le nez. Ouais, c'était pas, ben, pas mal plus jolie. Qui avait l'air retouché, Photoshop. Oui, vraiment, oui. Mais pas mal plus jolie en vrai qu'en photo, là, ouais. Ce que j'ai pu voir. Soudainement, tout le monde sont fiers d'avoir voté pour elle, alors qu'il y a deux semaines, tu demandais aux gens, « Hey, pour qui t'as voté? » Ben, je votais pour le parti libéral, là, mettons. Mais moi, j'avais pas, c'était pas ma circonscription, donc j'ai pas, ouais. J'aurais pas pu voter pour elle. Mais quand même, elle a eu plusieurs comptes Twitter établis à son nom. J'imagine également qu'il y a eu des comptes Facebook. Je ne suis pas sur Facebook. Ben non, hein. Savoir. Il n'arrête pas de le dire, en plus. Ben non, mais on peut revenir là-dessus également tout à l'heure. Mais bref, il faut faire attention à son identité. Il faut googlez-vous, hein, oui. De temps en temps, ou aller sur Facebook, écrivez votre nom pour savoir s'il y a des gens peut-être qui volent votre identité. C'est ça, mais tu sais, ça ne sera pas nécessairement quelqu'un qui vole votre identité. C'est comme moi, je cherche Mathieu Plante sur Google, il y en a plein de Mathieu Plante. Oui, c'est sûr qu'il y a ça. Mais si c'est quelqu'un qui prend votre photo, qui prend votre nom, ben oui. Là, vous pouvez facilement donc trouver ça. Et si vous vous appelez Ruth Hélène, probablement qu'il y en a juste une. Oui, exactement. Et justement, parlant de Facebook, vous savez que Julian Assange a fait une sortie assez intéressante là-dessus. Le gars de WikiLeaks. Oui, le gars de WikiLeaks qui a dit que Facebook était en fait un... en fait, je vais le paraphraser parce qu'il n'a pas dit ça, mais c'est un peu comme un logiciel espion dans le fond Facebook. d'une certaine façon, parce que ça prend toutes vos informations. Et il dit, imaginez-vous tout simplement que le Facebook est dû par la loi, si on leur demande de donner toutes leurs informations au gouvernement américain, puisqu'ils sont basés... États-Unis. Il dit, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous donnez toutes vos informations. Qui sont vos amis? Qui sont les membres de vos familles? où est-ce que vous êtes maintenant? Qu'est-ce que vous faites dans votre journée? Avec Facebook écrit, Places ça. Et tout, on peut savoir exactement où vous êtes. Et donc, Facebook pourrait être se faire demander par le gouvernement, donnez-nous toutes ces informations-là du jour au lendemain et il pourrait se retrouver, bref, avec une base de données incroyable, le gouvernement, sur le déplacement de ses citoyens. C'était peurant. Ce qui est assez incroyable. Et ça, d'ailleurs, je pense pas qu'il voulait je ne vais pas faire chier Facebook ou chialer sur Facebook. Je pense plus que c'était sur l'intervention du gouvernement américain par rapport à la compagnie. Peut-être leur offrir d'aller ailleurs hein, pour s'installer. On sait que WikiLeaks n'a pas nécessairement ces problèmes-là parce qu'ils sont un peu partout cachés. Et d'ailleurs, Jean Charest s'est fait taper sur les doigts par l'entremise de WikiLeaks cette semaine. Okay. D'ailleurs, dans un document où on disait qu'il était très influencé par le président de Power Corporation, propriétaire de la presse, monsieur, le nom m'échappe, comment il s'appelle, le fameux... Donc, le président de Power Corp. Le ménage avec News Corp. Desmarais, monsieur Desmarais. Desmarais, ben oui, Richard. Non, pas Richard. Georges, Serge. Gaëtan. Guy. Pierre Desmarais. Pierre, ben oui. Mais je suis même pas sûr. Monsieur Desmarais, donc. C'est l'été, on prend ça plus relax. C'est mais oui, donc, il était très influençable. Et c'est parce qu'il y a eu d'autres plaintes par rapport à ça. On disait que Jean Chrétien également, qui a marié, dont le fils a marié ou la fille a marié un Desmarais, et fait partie également de la famille Desmarais. On disait que Paul Desmarais, voilà son nom, était trop influent sur la scène politique. Et maintenant, Jean Charest qui se fait ramener là-dessus. Il se défend donc d'avoir été influencé par Desmarais. Mais son chalet est comme juste à côté de celui de Paul Desmarais. Et celui de Nicolas Sarkozy. Est à côté de Desmarais aussi. Nicolas Sarkozy est également influencé par Paul Desmarais. Ah. C'est assez incroyable. Ouais. Facebook qui a aussi, par erreur, donné plusieurs, a ouvert en fait l'accès de ses données sur les utilisateurs cette semaine. En fait, il a laissé par erreur les annonceurs publicitaires avoir accès à des profils, des photos et des conservations de d'autres données privées sur les utilisateurs. Et ça a été mis de l'avant par la société informatique Symantec. Donc, une erreur qui pourrait leur coûter cher puisque là, partiellement, les compagnies publicitaires pouvaient savoir tout ce que vous aimiez, tout ce que vous vouliez faire exactement. Faire des publicités ciblées. Mais là, ça va un peu loin. Mais bref, voilà, pour ce qui est de Facebook. Et dernière grosse nouvelle, en fait, qui est arrivée dans le monde informatique dernièrement, Mathieu, je pense que tu vas pouvoir commenter, le Chromebook. Oui, je me suis pas mis au courant de ça. Tu n'es pas mis au courant du Chromebook? J'ai entendu parler d'eux, mais j'ai pas été lire dessus. Oui, ben ça a été dévoilé en fait dans le cadre de la conférence I.O. qui est tenue à San Francisco, je pense présentement ou cette semaine. Et ça va être disponible sur des plateformes Acer. Donc ça va être vendu à $39. Il va également avoir Samsung qui va vendre l'ordinateur au minimum de 429 $5 et on dit avec Chromebook, vous n'aurez pas à attendre des minutes pour que votre ordinateur démarre, votre furteur s'anime. Vous pourrez lire vos courriels en quelques secondes, donc avec Google Chrome. OK. Combien le prix minimum? 349. OK. Pour le moins cher. Ou 20 $ par mois pour les étudiants, il va y avoir des forfaits. Ah, OK. Je sais pas. Mais il y a les ordinateurs, je veux dire, c'est peut-être encore moins cher que ça. Moi, quand il me dit ça, je regarde mon MacBook et que quand ça me prend 10 secondes d'ouvrir mon ordinateur, avoir accès à mes courriels. C'est pas très long non plus, hein? 10 secondes. Mais il m'a coûté 1300 par contre. Donc, tu sais. Mais ce qui est en fait l'avantage du Chromebook, c'est que tout va être sur Internet. Donc, bon, il faut avoir un accès Internet si vous voulez avoir accès à votre ordinateur. Mm-hmm. Mais c'est vrai que côté prix, ça baisse beaucoup parce qu'on n'a pas besoin de disque dur. La vitesse devrait être quand même assez bonne. Non, mais c'est que si tu paies 20 $ par mois pour ton ordinateur, il faut en plus que tu paies un accès à Internet. Oui, qui va te coûter 3 fois plus cher que ton ordinateur. Ben, c'est un peu ça. Je suis pas sûr, moi. Oui, pour le moment, c'est pas tout à fait au point, mais on peut se dire, par contre, lorsque la technologie 3G va avoir baissé de prix, lorsqu'il va y avoir une nouvelle forme de technologie peut-être qui va être disponible pour ce qui est de l'Internet, on va pouvoir intégrer du 3G aux ordinateurs et là avoir accès à Internet partout. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir aller dans le bois, ouvrir ton ordinateur et, ben, peut-être pas dans le bois, mais dehors des bornes Wi-Fi, tu vas pouvoir avoir Internet quand même sur ton ordi. Parce que sinon, tu sais, je veux dire, si tu prends, mettons, un netbook quelconque, que tu le paies à peu près ce prix-là, tu le paies pas par mois et puis tu payes juste ton Internet, ça te revient moins cher. Exactement. Si tu prends un iPad qui coûte peut-être 800, je sais pas combien il coûte, 600, mettons, moi, je sais pas, j'oublie. 600, ouais, le base, c'est 499. Mettons, avec celui avec le 3G, tu prends un forfait, mettons, à 25 $ ou je sais pas trop quoi. Mm-hmm. Ça finit par te revenir moins cher que le Chromebook, il me semble. En tout cas, selon mes calculs très, très rapides, je connais absolument rien à ça. C'est vrai, mais en même temps, on essaie en fait d'aller gruger les utilisateurs de Windows qui sont tannés de Windows, malgré Windows 7, qui est quand même un très bon produit, ou les utilisateurs Linux. Ben, les utilisateurs potentiels de Linux qui ont peur de faire le saut, on peut leur promettre donc des meilleurs résultats avec Chrome, et les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des Mac aussi, justement les étudiants qui n'ont pas nécessairement l'argent pour. Donc, c'est quand même quelque chose à observer. Ça va être disponible très bientôt. Donc, pour les dates, je crois que c'est pas nécessairement prévu. On dit que les ordinateurs vont être disponibles à partir du 15 juin aux États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne. On sait pas quand est-ce que ça va être disponible au Canada ni aux autres pays, mais ils disent qu'au cours des prochains mois, ça va être disponible. On va pouvoir acheter les ordinateurs sur Amazon et vous allez pouvoir également aller dans les Best Buy pour pouvoir vous procurer ces ordinateurs-là. D'accord. Moi, je pense que ça va mériter un calcul mathématique un petit peu plus exhaustif pour voir qu'est-ce qui vaut le plus la peine, parce que je suis pas vendu au Chromebook tant que ça. Moi non plus. En fait, je suis pas vendu à Chrome en général. Je sais que des gens que je connais sont bien ancrés dans l'utilisation de Chrome comme furteur Internet. Moi, ça me plaît pas tant que ça. Ah, ben, il est pas si super que ça. Ben, moi, il me plante souvent en face, pour vrai. Là. Ah oui? Ah, mais là, si tu fais trop de trucs... Ah, excuse-moi d'utiliser le furteur, hein, tel qu'il est supposé être utilisé. Pardonnez-moi, Seigneur. Non, je suis d'accord. Mais en plus, Chrome base toute sa plateforme, en fait, sur la vitesse et la disponibilité. Ouais. Et c'est pas tant vrai, là. Et finalement, on parle de Chrome juste pour mentionner Google qui a lancé son service de nuage Music Beta. Vous pouvez aller donc écouter de la musique directement sur Internet. Votre musique ou la musique de d'autres? La musique de d'autres également, un peu comme SoundCloud qui est disponible d'ailleurs en application Mac. On peut écouter de la musique directement sur Internet. Ça m'intéresse. Oui, ben il y a une application SoundCloud qui est disponible pour les Mac sur le App Store. Et on peut téléverser, c'est-à-dire et archiver 50 gigabits sur les serveurs, donc 20 000 fichiers. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement juste de la musique, puisque vous allez pouvoir également mettre vos dossiers sur Internet, ce qui est intéressant également, un peu comme le fait Dropbox. Quand c'est Julian Assange qui aimerait s'entendre ça, que les fichiers sont envoyés sur Internet. À Google. Ou à Google, dans les serveurs de Google, je suis pas sûr nécessairement qu'il serait très, très content, parce que Google est reconnu pour garder des informations de ses utilisateurs. Oui, mais bon, à un moment donné, c'est pratique comme ça. Moi, ça me dérange. Non, je suis d'accord qu'on n'a pas le choix, de toute façon. Non. On est une goutte dans un océan qui est tellement grand. C'est ça. C'est quoi l'importance d'un Simon Fitzbé dans la vie, à part pour Assemblage Rocky, évidemment. Mais pour Julian Assange, qu'est-ce que ça change que Google ait été donné, vraiment? Exact. Mais bon, peu importe. C'est un gros dossier, ces affaires-là, de choses disponibles sur Internet. Mm-hmm. Merci beaucoup, Simon Fitzbé. Ben, merci à vous de m'avoir reçu. Sur le bateau? Sur votre bateau. Très beau bateau, d'ailleurs. Merci. Bien décoré, hein? Oui. C'est vaste. Très, très grand. Donc, on va te retrouver la semaine prochaine, ici même, dans la vie de croisière d'Assemblage Rocky, pour le scout des Internet. Mm-hmm. Est-ce que tu nous suis jusqu'à l'extérieur? Parce que Marie-Pierre et moi, on va transitionner vers le quai. Je pense qu'on appelle... Comment? certainement. Le quai d'assemblage requis, c'est notre beau, notre bel extérieur, parce que tu sais, je veux dire, à un moment donné, on passe les chroniques dans une petite cabane sur le bateau pour pas qu'on ait le bruit de l'océan qui nous agace tout le temps en fond. Donc, ça va être la fin de la deuxième heure d'assemblage requis en vie de croisière. On va revenir tantôt avec une troisième heure. Et qu'est-ce qu'on a de prévu dans la troisième heure, Marie-Pierre, plus de palmarès? En plus de palmarès, on a entre autres une chronique musique et oui. Une chronique littérature. Oh, tu vas nous parler de quoi dans ta chronique littérature? Du livre Windows on the World. Oh, Windows on the World, nous on n'a pas besoin de fenêtre. Notre bateau est composé d'un extérieur, pas besoin d'avoir la fenêtre pour regarder dehors. Hein? Oui, hein? J'aime comment tu répètes, mais hein? Hein? Bon, on vient tantôt, c'est la vie de croisière d'assemblage requis, restez là. Satellite vers le bateau de ces fous vient de se réenclencher pour une troisième heure avec Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret. On vous accompagne pour encore un petit 1h50 environ. On est à la mi-chemin de l'émission, veux pas, là. On est rendu près de l'Inde, je pense. Hein? C'est, Non. On doit être rendu à Québec, puis on s'en retourne à Trois-Rivières. Oui, oui, mais c'est une croisière autour du monde. Faut bien se rendre à quelque part. Là. Mettons qu'on dirait le Pakistan. Est-ce que c'est proche d'un... J'ai aucune idée. Géographiquement, j'ai poché ça tellement fort, là. La géographie, pour moi, c'est... Mettons, est-ce qu'on se dit... En Grèce aujourd'hui. En Grèce, on est en Grèce. Caroline, mais oui, on est en Grèce. Bon, c'est bien. Je reconnais la place avec la statue de qui est en Grèce, le super. Les maisons blanches, hein? Ouais, ok, parfait. On est rendu aux positions numéro 6 et 7. On va entendre, pour commencer en 7e position, Martin Léon. Et je te prends par les cheveux. En Grèce, ils ont beaucoup de cheveux. Et du poil. C'est connu. Les Grecs. Ah! Non? Je fais plus de liens comme ça, je pense. Je vais y repenser. Peut-être en faire un meilleur d'ordre. Ou pas. Je te prends par les cheveux. numéro 6. Biobazar avec A Drop of Green Dragon en position numéro 6. Ça monte d'une belle petite place, tranquillement, pas vite, comme ça, ça a monté d'une coche. Savez-vous que Biobazar, c'est Danny Janvier ici, à C'est Fou, on parlait tantôt de lui. Ben oui. C'est lui, Danny Janvier. Oui. La vedette de C'est Fou. Hein? Oui, bon. Je le savais. Ben, je savais que tu savais ça. Non? Avant d'avoir entendu Martin Léon avec Je te prends par les cheveux, on va continuer avec un autre bloc de palmarès. Qu'en dis-tu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah. Allons-y avec la cinquième place, tiens. La cinquième place, c'est Panache avec Catherine ou Une journée mémorable. Panache! On oui. en joue des affaires, nous autres, assez fou. Des drôles de noms. Ouais, ben des drôles de noms et des noms, des fois, pas prononçables. Celui-là, ça va bien. T'aurais pu dire Panache, mais c'est bien. C'est non, bien ça s'est bien passé. C'est ça. Alors, Catherine ou Une journée mémorable, et puis après ça, ben, on va reparler. On va parler de musique tantôt. On va parler, entre autres, de Panne de Belle. Kurt Vile. C'est beau? C'est bon? Bien prononcé? C'est bon? C'est ça qui est prononciation. C'est l'eau. L'eau me donne un genre de... C'est comme un tournis, hein? Un tournis. Ah, bien dit. On a des manèges, d'ailleurs, sur le bateau. Vous voyez peut-être pas ici. Mais c'est beau, là. C'est gratuit, en plus. Pour... J'aime le corps par-dessus bord dans la fosse empilée. Comme j'avais mort, était fausse idée. Discuter autour d'un café renversé de toute manière bien trop fort. Avec tes papilles saturées, le récepteur et l'émetteur, le téléphone et tes clients que tu abandonnes sans remords. Des remords le matin, c'est bien trop, c'est certain. De la vie, c'est bien trop. morceaux sur le plancher de danse. On piétine ensemble, mais à quoi tu penses, à quoi tu penses? Quand tu t'es retrouvé entre deux jambes blanches dans une chambre noire, des noirs encore, des remords du matin que tu connais trop bien. Peter avec Réfractaire et c'était la position numéro 4. Oui, et juste avant, on a entendu Panache avec Catherine ou Une journée mémorable, en parenthèse évidemment le reste. Oui. C'est stable en cinquième position et c'est sur l'album qui s'appelle aussi Panache. Maintenant, on accueille ici à la vie de croisière d'Assemblage Requis un nouveau chroniqueur, Maxime Pronovo. Bonjour. Bien le bonjour, monsieur qui anime avec un mauvais micro sur la mauvaise console. Je te l'ai dit que moi, mon gouvernail aujourd'hui. Hein. Mais comment ça qu'il marche pas ton micro parce qu'il est ouvert? Il est ouvert. Prends un autre. Merci, Julien. Un bon après-midi. Donc, le micro 3 marche pas. C'est déclaré, on va l'enlever du bateau parce qu'à un moment donné, moi, les mauvais appareils, quand t'es mal équipé, comment tu vas faire une émission qui a de l'allure? Est-ce qu'on le lance à l'eau? Ah, bonne idée! Je sais pas si ça va peut-être faire. Ben, s'il marche plus, il fera pas de gros chocs puis il nous fera pas tous mourir. Trop tard. Ah bon. Ben, c'était ça l'effet solaire. Ton effet solaire, c'était un micro à l'eau. C'était quand même réussi. En y repassant. Donc. Nouvelle chronique. Oui, chronique ici, musicale. Une première. Hey, je suis vraiment content d'être ici cet après-midi. Parler de ma passion, la musique. As-tu trouvé un nom à ta chronique? Je sais pas. Oui, hein. La chronique. Du pro de la musique novo, ouais. La musique nouvelle. Mettons. La chronique musico-sensorielle. Voilà. Donc, le pro novo, ça pourrait être ça. Oui, ben oui. Quelque chose comme ça, hein, vraiment pas absurde et concret. C'est accrocheur, c'est assez catchy. Voilà. Qu'on dit. Donc, tu nous parles de quoi aujourd'hui dans ta chronique? Aujourd'hui, je vais vous parler de Kurt Vile avec son nouvel album Smoke Ring for My Hollow. Ça va être, je pense que ça va être agréable de parler de ça. Un album folk, cette saison. On peut dire ça comme ça? Ben c'est l'été, il est sur un bateau, il fait toujours beau. Alors, un petit peu de ukulélé, pourquoi pas? Quoi qu'il joue pas vraiment de ukulélé, mais quand même. On prend un jeu par-dessus la pièce. Pourquoi pas? Toi qui es bon avec les effets sonores. Ah oui, je suis bon. Ben, t'as pitché un micro à l'eau tantôt, c'était magnifique. Du moins, j'ai essayé. Ben, c'est ça. Panda Bear sera mon autre album que je parlerai. Tomboy, cette fois-ci. C'est sorti il y a quelques semaines. Mais je crois que c'est vraiment important d'en parler parce que c'est quand même une sortie majeure. Alors, ouais, voilà. Ben, ils sont sur la couverture. Il est sur la couverture du Exclaim en ce moment. Tu m'as dit que c'était une seule personne, Panda Bear. Oui, c'est une seule personne. J'ignore. Je reviendrai là-dessus. Voilà. Donc, on va commencer avec Kurt Vile. Est-ce que tu veux qu'on l'écoute en premier ou on en parle? Parce que je peux en parler si tu veux. Ben, parle-en, s'il te plaît. Voilà. C'est son quatrième album, un deuxième chez Matador Records qui ont signé dans le passé Belle and Sebastian, Interpol, aussi Modest Mouth, Spoon, Sonic Cute. Super gros band pour la plupart du temps. En tout cas, lui, Kurt Vile, qui, j'imagine, est absolument fier et. Heureux d'être signé sur cette étiquette-là parce que ça le met sur la carte. Il a quand même fait deux albums avant ça. Sur une carte sur laquelle, d'habitude, il y a des villes. C'est pas écrit pareil. Je viens de comprendre, c'est bon. Ouais. Okay. Merci de m'allumer comme ça. Ben, ça me fait plaisir. Hein. C'est un talent qu'on ne peut pas s'en empêcher de. Hein? Merci. À mimite avec mes « hein ». Quand je fais « hein », mimite. Kurt Vile. Ouais, bon, Kurt Vile. Qui fait dans l'indie rock, okay. Acoustique. Lo-fi, alternatif, des fois change. Vraiment, il y a une belle variance tout au long de l'album. C'est vraiment intéressant de voir justement cette évolution-là qu'il va avoir au fil des albums. Ce qui est à retenir, je pense, c'est qu'il fait dans le lo-fi. OK. Donc dans ça sonne garage un peu, peut-être. Ça sonne un peu garage, mais sans l'espèce de garage rock là, qu'on est habitué d'entendre. Ce gars-là a 31 ans, originaire de Philadelphie. Il a grandi en écoutant Sonic Youth, Pavement, Neil Young, Bob Dylan. Donc, très variant encore là. Son père a décidé de lui faire un petit cadeau un jour. « Tiens, jeune homme, je vais t'acheter un banjo. » Ça lui a donné le goût de continuer là-dedans. Il a découvert sa passion pour la musique, sa passion pour le folk, entre autres. Son son est très organique. Quand je dis très organique, c'est qu'il n'y a aucun artifice. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on touche à quelque chose. J'ai vraiment l'impression qu'on reste près des cordes, qu'on reste près justement du vrai son d'une guitare. On ne va pas transformer le son avec des effets quelconques en studio ou quoi que ce soit. Pas que c'est une mauvaise chose, mais lui le fait à merveille de faire ça de façon très organique. Oui, c'est pur. C'est très pur. C'est le mot. Merci. De rien. Il y a plusieurs effets de réverbération dans sa voix. Michael Maxime, si vous ne connaissez pas Michael Maxime. Ah, enchanté! ses guitares sont toujours très étouffées. Tu vas t'en rendre compte justement à l'écoute de la pièce Baby's Arms qu'on va entendre dans quelques instants. Et sur son album, entre autres, il évoque la solitude, l'amitié et le blues de la vie quotidienne. Très intéressant, un peu mélancolique, mais tout de même très très beau. On écoute donc Kurt Vile et après ça, on parlera de Panda Bear dans les vies de croisière d'Assemblage Rick. songs, cause except for her, you know, is having twice. I will never, ever, ever be alone, cause it's all just about everyone, and I hide my baby's arms, shrink myself just like a Tom Thumb, and I hide my baby's hands, hide my baby's hands, cause except for her, there just ain't nothing to latch on to. Kurt Vile et la pièce Baby's Arm sur l'album Smoke Ring for My Halo dans la chronique sensorielo musicalo fantasmagorico. Il va absolument falloir trouver un nom à ça. Faudrait, hein? Ah oui, oui. D'ici la semaine prochaine, peut-être. On fera ça? Ouais. Panda Bear, ça s'en vient. Tomboy. Oui, Tomboy. Son nouvel album qui vient de sortir. Panda Bear, en fait, c'est Noah Lennox, membre d'Animal Collective, qui, moi, j'ai découvert avec Strawberry Jam il y a quelques années. Je pense que c'est sorti en 2007. Là, je me rappelle plus trop. Je sais pas si vous pouvez m'aider. Non, je sais pas, mais c'est très, très bon. Je me rappelle. J'adore. Ouais. J'adore. Ils ont sorti Meriwether Post Pavilion il y a de ça, quoi, quelques années. En tout cas, moi, ça avait été. Et on se pratique pour le dire depuis, d'ailleurs. C'était ouais. Un top à vie. Moi, c'était vraiment un top à vie, là. Si je fais un top 5 des meilleurs disques que j'ai entendus, je pense que ça rentre là-dedans. Sérieusement, Animal Collective, moi, c'est un coup de cœur, là. Ouais. Voilà. Troisième album de Panda Bear. Deuxième, disons, qui marche. Le premier avait été assez ordinaire, faut le dire, là, quand même, là. Mais son deuxième album, Person Pitch, qui est sorti, lui, en 2007, avait été acclamé des critiques en général. Justement, je pourrais te faire entendre Marie-Pierre un petit peu plus tard. En tout cas, bref. Un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. En gros. Ouais. Je suis pas en train de cruiser à la radio, moi, là. En tout cas, Panda Bear, qui lui fait dans la musique expérimentale, en creusant un peu, on finit par y découvrir peut-être des sonorités, en tout cas, qui s'empruntent à. Au Beach Boys. Ah! Peut-être okay. Même à Kraftwerk. Oh! C'est des styles assez différents quand oui. Même. Oui. Cannes. Est-ce que ça te dit quelque chose? Cannes, c'est A-N, genre? Oui, c'est A-N. Non, ça ne me dit absolument rien. Okay. Un groupe allemand qui faisait dans le Pink Floyd. Je peux dire ça. Dans le Pink Floyd, ça ressemble énormément à ça quand même. Je vous dirais d'aller le chercher sur Google. Je ne penserais pas que ce soit les premiers résultats quand tu tapes Cannes. Non, non, vraiment pas d'ailleurs, mais c'est quand même un très bon groupe. Ouais. Puis vous allez retrouver ça là-dedans aussi. Il y a les Zombies Aphex Twin là-dedans. Puis ben indéniablement, Animal Collective rentre un peu là-dedans aussi, là, okay. En bout de ligne. Il y a beaucoup de gens qui vont associer Panda Bear à un nouveau style musical question de cataloguer un peu, là, il y en a qui vont appeler ça du chill wave, qui est très très à la mode depuis un petit bout de temps. Ils aiment ça, les étiquettes. Hein, c'est seulement pour cataloguer, c'est incroyable. Mais à peu près tout ce qui sort, qui est moindrement expérimental, associé à l'électronique ces jours-ci, va se faire appeler ça, c'est du chill wave. Alors voilà, Ben DeBeer rentre là-dedans, puis ça serait probablement justement à cause de son album Person Pitch qui est sorti en 2007. Ouais. On pourrait dire que notre émission sur un bateau est un peu comme sur une chill wave. Oui. Parce qu'on chill les vagues. Pourquoi pas? Émission chill wave. Et son album Tomboy, c'est très ambitieux, c'est rêveur, c'est plaintif sur les bords. J'ai trouvé d'autres adjectifs comme ça, si ça vous dit. S'il te plaît. C'est insulaire, qui habite sur une île. Imprenable. Un Gilligan sort de ce corps. Oui, capitaine et les autres. Oui, baléarique, ça aussi. En gros, un coucher de soleil et un océan. Aussi. C'est kitsch. Ah, wow. C'est limite cochon sur les bords. Un peu surréaliste. C'est fort, là, pas mal. Ouais, peut-être un peu. Mais bon. À vous d'écouter, à vous de juger. On en parlera plus tard. On pourrait vous envoyer Surfer's Hymn tout de suite. Ben avec très grand plaisir, je ferai ceci. Donc, Ben DeBeer dans la vie de croisière d'Assemblage Rocky dans la chronique musico-sensorielle Gingerific. Ginger dans Gilligan, ça s'appelle-t-il? Non. Ginger. Oui, c'est l'ami. Il y avait une Ginger là-dedans? Ah oui. La top model. Là. Ah. When the I'm la transition entre les vagues de la chanson et les vagues de mon du bateau du SS Rocky va être mémorable. Regardez ça, gars. On se sent si bien. Même pas de différence entre les deux. Non, c'est super. Ouais. Donc, c'était Panda Bear. Oui, avec Surfer's Hymn. Mm-hmm. Sorti il y a à peine quelques semaines. Je pense que ça vaut vraiment la peine, en tout cas du moins, de peut-être, je dirais pas de télécharger cet album. Mais non, mais vous pouvez légalement le télécharger légalement sur iTunes et Amazon et les autres. S'y intéresser du moins. Ben voilà. Voilà. Et voilà, et voilà, voilà. Donc, c'est tout pour ton segment, si on veut, sensiblomatiquement musical. Curatif. On va finir par trouver un nom à ça. Puis la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Ou pas. On verra, parce que je veux dire, tu sais, Marie-Pierre n'a pas encore de nom pour sa chronique non plus. Là. Non, parce que la fée des livres, c'était pas fort. Tout le monde dans l'équipe de C'est fou a adoré ce nom-là. Il me trouvait donc génial et m'ont vénéré. Ouais, la fée des livres. Ouais, je me souviens, c'était très, très drôle. Ça. Drôle. Voilà. Pas bon, drôle. Oui, drôle. Donc, on va parler. À l'aise. On va parler des Beastie Boys un petit peu parce qu'on a non seulement des CD à vous donner tout à l'heure si vous nous téléphonez, on va vous en reparler plus tard, mais on a aussi une vidéo qui a été publiée. Oui. Un peu avant la sortie de l'album, en fait, les Beastie Boys ont décidé de faire une grosse promotion qui est vraiment intéressante, mais qui n'a pas gagné en popularité énormément. Moi, je vous suggère d'aller voir carrément sur YouTube, d'aller taper Beastie Boys avec Fight for Your Right Revisited. Vous écrivez ça. Ça, c'est sur YouTube.com. Là, vous ouvrez Internet, évidemment. Oui, par ce qu'on appelle un furteur. Et puis, par la suite, vous pouvez faire une recherche. Des fois, il y a des raccourcis qu'on appelle sur le bureau direct. Aussi, ça peut se faire. Ça va bien. Et si vous êtes vraiment des fans, peut-être que vous avez carrément Beastie Boys Fight for Your Right dans votre furteur d'installer comme ça. Là, mais là, ça serait assez surprenant tout de même. Oui, là, à un moment donné. C'est que vous avez des bons amis, si c'est le cas. Ça se peut, il y a des gens qui ont des bons amis. Mais quand même, oui. Les Beastie Boys, qui eux, ont décidé de faire une bonne promo. Quand je dis bonne promo, moi, j'ai trouvé ça tordant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très drôle. Okay? Ce qui arrive, c'est que c'est un gros film. Ben, pas un film. Hein? Comment je dirais ça? Un petit film de 25 minutes environ. Ouais, 25 minutes, une demi-heure, qui raconte la suite du vidéo. De qu'est-ce qui s'est passé aux Beastie Boys suite à Fight for Your Right, au vidéoclip qui avait marché super fort en 1986, je crois. Je me rappelle plus. C'est pas grave. Mais ça fait longtemps, on s'en souvient. On voit les gars faire le party dans une maison, mettre du Spanish Fly dans le punch avec des filles. Bon, bref, ça se mélange, tout ça. C'est la déchéance totale. Frappe avec une masse dans un téléviseur, dans une petite télé cathodique. Lance des tartes, c'est vrai. Ça doit être bon. Hein. C'est vrai. Oui, ben, tiens, donc, ça me donne l'appétit. Colin. On va s'amener des tartes la semaine prochaine, on va s'y pitcher dans la face. Voilà. Ah. Ouais. Mais tu vois, dans ce vidéoclip-là, ce nouveau vidéoclip-là, on voit les gars sortir de l'appartement en question où il y avait un gros party qui dégénérait. Mais on tout réorganisé pareil comme dans le clip en 86. Ah, on met les mêmes affaires aux mêmes places. Wow. Oui, sauf que maintenant, 25 ans plus tard, c'est plus les Beastie Boys qui jouent leur propre rôle dans le vidéoclip. Il y a Seth Rogen, il y a Elijah Wood, puis un autre dont je me souviens plus du nom. D'ailleurs, je ne m'en souviens plus non plus. Non, mais je me souviens pas du gars. Des vedettes là d'Hollywood. Oui, mais nouvelles vedettes un peu... hip ces jours-ci là, qui est dans un film. Tendance. Ouais. Super. Hein. Et là, ces gars-là, vraiment, rencontrent les propriétaires de cet appartement-là qui vont visiter, qui vont voir leurs enfants qui n'avaient pas... En tout cas, qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient pour se préparer un party. Mais je crois qu'ils les avaient laissés dans le vidéoclip. Ils leur avaient laissé l'appartement pour une soirée. Et eux, ils ont décidé de faire un party. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est exactement ça. Donc, ils reviennent de leur soirée. Ils reviennent de la soirée, rencontrent les gars. Et puis là, non, on n'a rien fait de méchant. Vous pouvez aller voir, on va rester ici. Puis finalement, ils sautent parce qu'ils ont vraiment mis le bordel là-dedans. Et les gars, finalement, c'est une espèce d'histoire de où tout dégénère. Puis en même temps, c'est mixé avec les chansons des Beastie Boys du nouvel album Hot Sauce Comedy Part 2. Ouais. Qui est très, très... Ben, en tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Ouais, mais les commentaires ont l'air de différer. J'ai un de mes amis qui m'a dit que c'était très, très... Ça ressemblait à leurs précédents albums, beaucoup plus qu'au... par exemple, celui qui avait eu l'instrumental il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé. Là. Mais donc, ça revient vraiment aux racines. Ben, racines sans nécessairement rentrer dans le rock. OK. Dans la partie rock, par exemple, qu'il y avait eu sur, justement, la partie Fight for Your Right. Là, on change vraiment le registre. Là. On reste pas mal plus dans une musique qui va s'approcher de la musique électronique... du rap un petit peu, encore une fois, bien évidemment. Il y a des featuring de Nas et de Santi Gold, oui. des choses comme ça là-dessus. Ouais. Et puis c'est bien, ouais. c'est bien fait. Tout comme ce vidéoclip qu'il faut voir, où vous allez voir entre autres la participation de Will Ferrell là-dedans. Il va y avoir aussi John C. Reilly qui est là-dedans, ah, Jack ça. Black, oh. Susan Sarandon qui joue la vieille madame en furie, Steve Buscemi là-dedans aussi. Qui n'est pas dans ce clip-là. tout Hollywood y est passé. Presque. Jack mais Black, il est très drôle aussi. Ah oui, il est très drôle. Mais ouais. Ça finit dans une scène presque. Punch, là, ah. là, j'écoute pas. J'ai pas le goût. Non, pas de punch. C'est un genre de scène que les gars vont triper, puis les filles ont fait. Ouais, ok, c'est correct, là. Ah non, c'est génial. C'est vraiment les gars rient, les filles font comme son con. Ah ouais. Voilà. Oh, pas tant que ça. Presque. Franchement, il va falloir se faire notre propre opinion. Mais c'est du pur divertissement. Allez voir ça sur YouTube. Voilà. Ouais. Voilà. Sur votre furteur. Ouais, sur votre ordinateur. Donc, on va aller écouter une pièce de Beastie Boys. C'est celle qui met en vedette Santi Gold. Oui. C'est le morceau « Don't play no game that I can't win ». Hein? Quelle prononciation incroyable. Laissez votre iTunes ouvert. Écoutez la vie de croisière d'assemblage requis en direct sur CIF.ca. Oh, Don't play no game that I can't win, featuring Santi Gold par Beastie Boys sur l'album Hot Sauce Comedy Part 2. Dos. Dos, c'est de l'espagnol. D'ailleurs, Mathieu, t'as pas une petite surprise par rapport aux Beastie Boys? Je suis bouche bée tellement tu me prends par surprise. C'est comme... c'est tout nouveau, sorti du four. On a deux albums à vous faire tirer, en fait, à vous donner. Ou on peut vous le lancer. On est sur un bateau quand même, donc peut-être que vous allez devoir vous forcer pour l'attraper de loin. On pourrait prendre un goéland. Oh oui, on va l'accrocher après un goéland. C'est beau, c'est comme les pigeons voyageurs, mais de mer et qui font un petit peu plus leurs besoins partout. Donc on va vous donner ces deux albums-là si vous téléphonez au 819-376-5183. C'est le numéro qui est juste ici sur le côté. Regardez-moi ça sur le bateau. 819-376-5183. 376-5183, c'est ça? C'est juste à côté du nom SS Requis et puis de nos deux noms avec nos deux faces sur le bateau. Non, on n'a pas mis nos faces sur le bateau quand même, voyons. Mais ça s'en vient? Oui, non. Non? Non. Ah. On est plus humble. OK. Que ça. D'accord. Nos faces, on les garde pour nous. Et l'un l'autre, évidemment. Ah. C'est ça. Donc, deux CD au 819-376-5183 pour les auditeurs du jeudi en direct 12 mai. On est à 15h47 en direct du Pakistano, frontière. Non, là, on est en Grèce. Ah, Grèce, c'est ça. Voilà. Grèce, c'était les poils. Ouais, on n'avance pas vite, ben, là, Grèce. Non, mais on s'en revient doucement, là. OK, c'est un aller-retour Grèce, ben oui, ben oui. D'accord. Donc, 819-376-5183, on attend votre appel maintenant. Pendant qu'on s'en va entendre une autre pièce des Beastie Boys, c'est celle featuring Nas, Too Many Rappers au 89.1 FM. C'est la vie de croisière, l'assemblage requis. 819-376-5183. Celle-là est géniale. Oh, ben, Colin! Ça. Tu l'as pas fait jouer tantôt? Non, j'aurais dû. Ouais. C'est bon. Pas grave. Check. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA, Ad-Rock, Mike D, that's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Like an exorcist, coming home to boost. Handheld 58 when it's time to get loose. Don't need the ear goggles, ripping through your speakers like a scientist. Lit tubes and beakers, have MCs up on my house and fix some brush. But you rappers, we going out, going dust. So pass me the sword, I'll start swinging. Just randomly chopping on a crazy ass mission. Because I'm back with the bang boogie, oogie oogie. Strawberry letter 23 like Shuggy. Oh my god, just look at me. Grandpa been rapping since 83. I'm supersonic like JJ Mad. Crazy ass shit pulling out the bag. Don't forget the tartar sauce, yo, cause it's sad. All these crab rappers, they rapping like crabs. I have carte blanche, the vagabond. Nas is the narcissist. My pockets are rotund, I'm no killer. But compared to you, I'm more realer. You ain't a shot to mobster or a drug dealer. A slug pillar, you're not. Mafioso, no. You ain't got the cutthroat in ya. Beginner, I ain't trying to hear your racket. You work with police, dog, you snitch, your rat. You wear that jacket. How many rappers must get this? Give me 8 bars and watch me bliss. This I start to reminisce. And I miss the real hip hop. Bitch, I persist like rum and mojitos, bullets and banditos, monster balls and soup, jackets and truth, just storms, one for the history book, Nasty Nas, what's the word, count it off on the hook, let's go, one, two, three, too many rappers and it's still not enough MCs, it goes three, two, one, MCA, Ad-Rock, Mike D, that's how we get it done, like, ladies and gents, attention, Nas in the house, with Beastie Boys, we can turn it out, perpetrators, we can point them out, so if you got something on your mind, let it out. Goes inside your brain to pull your bullshit right straight out the frame. The lyrics spin round like a hurricane twister. So get your hologram on the awful wolf blitzer. Too many rappers to shake a stick at. I ought to charge a tax for every week rack. I had to listen to Jews, we can make it stacks. And stacks records, my squad, we got a pack. We never come a whack. To all you crab rappers and hackers and circuit vendors, keep started on this beat, this is foreplay. And when the song finish, I can sing along with us. By the way, I have a strong fetish for Christian Louboutin steppers. I hear Russian blondes the wettest. But anyway, I better pay homage to my fellas. And that's what's on my mind. And the rhyme, who's next up? My team, the man of mystery. History in the making, and now we're cooking. Titles, awards, and accolades. As I sharpen my blades, we come together like peanut butter and sandwiches. Like in a paper, like Picasso with canvases. Rocking stadiums to shitty bars. Go back in time, send out facts from my car. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA at Rock, right D, this how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Beastie Boys, hein? Oui, Beastie Boys, comme ça, sur un bateau de même, prendre le micro à la volée comme ça. On va entendre Too Many Rappers, a New Reactionaries version avec Nas en vedette là-dessus. Nas, le gars, le rappeur, là, celui qui fait la musique, là, les chansons. Là. Nas, c'est ça? Nas? Parce que moi, Nas, c'est les choses de disque dur en réseau. Là, Nas, c'est un Nas. Alors, mais la chanson a fini raide, hein? Elle a fini raide pour un gars qui s'est rendu pas compte que c'était fini. Ah ben oui, pas de niaisage. On passe à autre chose. Bang! C'est même de la radio. C'est une autre affaire. Puis ça s'arrête pas. Pas de silence après ça. C'est comme sur un bateau, les goélands arrêtent pas. Ils crient les mêmes tout sur le même temps. Beat depuis comme le début de l'émission. Ils crient tout le temps. Genre, il va y avoir un goéland à un moment donné, là, bientôt. Il va y en avoir un autre qui va suivre à intervalle, distance égale. Mm-hmm. Ils sont sur le temps. Ils sont sur le temps. Voilà. Ben, ils sont à la radio. C'est normal. À la radio, t'es tout le temps sur le beat. C'est bon. Donc, j'allais dire que on continue la vie de croisière de l'assemblage requis. Il nous reste encore une heure ensemble à passer, à écouter de la musique, à avoir des chroniques. Il nous reste la chronique littéraire à faire. Oui, il reste ma chronique littéraire sur un livre de Frédéric Becbédé. Becbédé. Oui, des fois, on va avoir tendance, il y en a certains qui vont dire Becbédère, mais non, c'est Becbédé. OK. Voilà. Ça s'en vient tantôt. On va aussi parler avec Kiwan en direct de l'Alberta. En tout cas, on croit qu'il est en Alberta. Il bouge beaucoup. C'est un homme d'action, un homme d'huile, un homme de pétrole. C'est vrai. On va l'entendre. On va voir s'il est encore dans ce monde-là parce qu'il change d'emploi comme il change, j'espère, plus souvent qu'il change de chemise. Mais bon. Donc, on va lui parler en direct par téléphone tout à l'heure. Et puis, c'est ça. Ça va être super bon. Mais pour l'instant, on change complètement d'humeur, si on veut, de mood, comme on pourrait dire dans un certain anglais. El Mudo, comme on pourrait dire en espagnol, mettons. Timber avec l'album Creep on Creeping On. Et on va l'entendre une pièce que tu as choisie, si je me rappelle bien. C'est Lonesome Hunter. Oui. Donc, on va écouter ça à l'instant. C'est un très bon album. T'as aimé ça? Oui, j'adore cet album-là. Sombre. Oui, mais ça fait penser un peu aux années 50, mais c'est vraiment excellent. Mm-hmm. J'adore cet album-là. On écoute ça à l'instant dans la vie de croisière d'assemblage requis. Restez là. Ah, les vagues sont calmantes. Ça me met là, en transe. Those wrong kids cross a line. I'm afraid I'll never understand, baby. And I'm so sorry you had such a bad time. Well, I have done some truly awful things, and you must be very terrified. Well, you have every reason to be frightened, since you've been reading my mind. Well, who am I to deny this moment? And who am I to even question it? There is a cross on the mountain, baby. There is a cross glowing over your head. Oh, please break this spell you have me under. Every heart is a lonesome hunter. Please break this spell you held me under. Oh yes, every heart is a lonesome hunter. Thank you. forevermore. Well, I'm staring at a hole in my head, and I'm staring through a hole in your head, and I'm moving like a zombie, baby. I am a zombie coming slow to your bed. Well, who am I to deny this moment? And who am I to even question it? There is a cross on the mountain, baby. There is a cross glowing over your head. Oh, please break this spell you have me under. Every heart is a lonesome hunter. Please break this spell. Danny Bédard, à Chicago, ça, non? Non. Non, mais par exemple, Timber, le groupe qu'on vient d'entendre, va être à Oshaga cet été. Ah! Oui! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tellement. Donc, on a entendu la pièce Lonesome Hunter, oui, de Timber, sur l'album Creep on Creepin' On. Il nous reste une dernière quatrième heure à Assemblage Requis. On va avoir Kiwan et puis ta chronique littéraire. Exactement. Ah, c'est un beau plan, ça! J'ai très hâte de vous en parler. Ça va remplir une heure là, à merveille. Ça va être bon ce débat à la fin. Bon jusqu'à la dernière goutte d'eau. Parce qu'on est sur un bateau. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours en direct de l'SS Requis, notre beau bateau qu'on vous a monté pour cet été et qu'on est heureux sur la mer comme ça. Le soleil est présent. On est quoi rendu mi-chemin entre la Grèce et le Canada, évidemment. Dans le beau voyage que fait le SS Requis. Voilà. On ne connaît pas les pays parce qu'on n'a pas traîné de map. Nous autres, les vraies affaires, là, on n'a pas besoin de savoir où qu'on est rendu. Mais le bateau, il va vite, hein? Oui. Grèce, Québec, en moins de 4 heures, aller-retour. On est en 2011, là. Je te rappelle, la technologie est rendue là. C'est pas vrai. Pour les bateaux. Au pire, on tuera du monde en allant trop vite. Au moins, on va se rendre à temps. Hein? Attends une minute. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ben là, Mathieu, on... Je vais un peu fort. Oui. Oui. Ça m'arrive. On va l'entendre un minuscule extrait du palmarès anglophone parce que vous savez, cette semaine, on est du côté francophone, on fait le top 20 au complet et la semaine prochaine, on va faire l'anglophone parce que les palmarès de C'est fou cet été ne seront qu'aux 2 semaines. Donc vraiment, tu sais... On va avec la formule, si on veut. On suit le courant au jeu de mots d'eau. On va entendre du Tokyo Police Club. Pourquoi pas avec un petit peu de Wait Up, Boots of Danger. Une pièce que j'adore, cet album-là. Je trouve ça fantastique. Je l'écoute à tous les jours et je capote et je me pince comme de quoi je rêve parce que c'est trop bon. À ce point-là? Ah ben moi, je capote. Voilà. Tokyo Police Club, c'est le sommet pour moi, le sommet. Donc on les écoute tout de suite au 89.fm. Et puis après ça, chronique littéraire de Marie-Pierre. Oui. Et le reste du palmarès, c'est bien. francophone. I'm on your team, but I never know when you're not. You never wear shoes without your socks. You never tell anything to me. I'm on your side, but only for a while, of course. You never use words you can't afford. A house with continents inside. Never get nervous anymore. So wait up. You never get nervous anymore. What did you want me to say? Hey, what did you want me to do? What did you want me to say? Inside the lines, gotta catch me a paper car. You never know when to change your mind. Of Danger, Wait Up de Tokyo Police Club sur l'album Champ dans la vie de croisière d'assemblage requis. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus de vagues et de goélands derrière nous parce qu'on est retourné à l'intérieur d'une petite salle du bateau où on se met tout intime et on se tient une main dans la main. Ben oui, les chroniques comme on ça. On allume une chandelle. Oui, ça a l'air bizarre d'une main. Ah oui, tu trouves? Ça fait orgie un peu, je trouve. Non, pas du tout. Okay. Donc, chronique littéraire avec Marie-Pierre Laforge pour. Ah, t'es de retour dans ton environnement de chronique littéraire. Mais je ne suis toujours pas la fée des livres. Non, je ne l'ai pas dit cette semaine, c'est vrai, ça fait bizarre parce que tout le monde me dit, mais Mathieu, il dit là tout le temps, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va commencer à marcher, puis elle va commencer à aimer ça, tu sais. Mmh, les fées, c'est pas mon fort. Non? Non. Ce serait quoi de bord, toi? Je sais pas, mais pas les fées. OK. C'est définitif. Définitif? Oui. C'était quand pas même, voulu, hein? Non, ben non. Quand même. Donc, tu nous parles de quoi aujourd'hui, Bec Bédère? Non. Bec de Bébé? Je parle d'un livre de Frédéric Bec Bédé. Bec Bédé. Ça s'écrit E-R, mais ça se prononce E. OK. Voilà. D'accord. Et le livre, c'est Windows on the World. Mais avant de vous parler de Windows on the World, je vais vous parler en gros de l'auteur. D'accord. Parce que Frédéric Bec Bédé, c'est, à l'origine, c'était un critique littéraire, un chroniqueur nocturne, donc il allait dans les fêtes organisées à Paris et il faisait des chroniques sur ça. Et également, il a été publicitaire et maintenant, évidemment, il est écrivain. Je t'arrête un instant. Quand tu dis qu'il a été publicitaire, c'est pas ça justement qu'on voit dans 99 ans? Oui, ça serait pas très long. Ah, d'accord. Mais ah. Donc, il a commencé en étant chroniqueur, journaliste et bon, à un moment donné, il s'est mis à écrire des livres. Et d'ailleurs, il a écrit un livre 99 ans, Et que ce livre-là, 99 francs, c'était, c'est le titre du livre, oui, mais c'était son prix à l'origine. Donc, sa valeur, par exemple... OK, c'était le prix du livre. C'était le prix du livre. Donc, okay. T'allais à la librairie et tu voulais acheter 99 francs de Frédéric Beigbeder et, oh, surprise, il coûtait 99 francs. Donc, tu l'achetais là, pas. Non, ça tu l'achetais parce que les francs, c'est beaucoup moins cher que les dollars. Ah. Donc, ça équivalait peut-être à une vingtaine de dollars ou quelque chose comme ça. Ah, oh, mais c'est pas si mal pour un livre non, qui vient de sortir. Non, c'est pas si mal. Et quand la devise a changé pour aller en euros, il a changé le titre de son livre pour 14,99 euros. Wow. Ça me rappelle une émission de télé dans le temps, parce que moi, je connais juste la télé, tout ça. Il y avait une émission dans le temps qui s'appelle... Mon image, c'est ça que ça donne à la radio. Non, il y avait une émission qui s'appelait Wednesday 9:30, 30 Central, ou quelque chose du genre. C'était genre une émission qui était diffusée le mercredi à 21h30. Ouais. C'était très intelligent. Je trouvais ça super méta, comme on dit. Méta, comme dans ça parle de soi-même. C'est... Voilà. Ça va. Donc, Frédéric Beigbeder... Pourquoi j'ai parlé de ça, je ne sais pas. Il a écrit un livre sur la publicité. Étant donné qu'il était publicitaire, il a écrit un livre, entre autres, sur comment ça fonctionne et sa vision de tout ça, parce que c'est un peu manipuler le monde. Ben pas un peu, c'est beaucoup manipuler les gens. Mm-hmm. Donc, il parle de ça. Et son but en écrivant ce livre-là, c'était de se faire virer. Hein? Et il a réussi. Ben, il a réussi à se faire virer de la boîte dans laquelle il travaillait. Mais bon, ça vous montre un peu, Frédéric Beigbeder, c'est un écrivain, mais c'est un personnage parce que, premièrement, il a une physionomie spéciale. Son corps et... Son visage. Okay. Il a un très long nez, un drôle de menton, et c'est un personnage... bon, il a déjà pris de la drogue, on entend parler de lui, la police, en tout cas, il est arrivé la des police. Aventures. Oh, oui, il a été pris avec de la drogue sur lui, donc il a été en prison. Ah, okay. Donc, mais tu sais, pendant qu'il était écrivain, donc ça fait des scandales, c'est un personnage. Personnage remarquable. Remarquable. Donc, il a écrit ce livre-là, entre autres, il a écrit aussi une série qui tourne autour d'un même personnage, « L'amour dure 3 ans ». Ça, c'est un de ses livres qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 97. Donc, L'amour dure 3 ans, c'est un livre plein d'ironie sur l'amour. Donc, L'amour dure 3 ans, selon lui, c'est un cycle. T'es 3 ans amoureux, tu laisses la personne, tu recommences, bon, infiniment. Donc, son écriture, c'est une écriture ironique, c'est une écriture... il aime ça choquer, donc par le langage qu'il utilise, mais aussi par les sujets. Il gêne pas dans tous les sujets. Cynique, peut-être. Cynique aussi, oui. C'est, le personnage va avec son écriture, ou inversement, l'écriture va avec le personnage. Il gêne pas pour tenter de choquer les gens. Mm-hmm. Mais dans le livre dont je vais parler aujourd'hui, qui est Windows in the World, c'est un peu différent. On reconnaît l'écriture de Beigbeder, mais dans le sujet, c'est complètement différent. Parce qu'habituellement, c'est des romans autobiographiques, donc il parle beaucoup de lui, mais en changeant le nom des personnages, alors que là, c'est Windows on the World, ça porte sur le World Trade Center. Ah! Donc, tu sais, oui, OK, c'est un livre qui est paru en 2003, donc après septembre 2001. C'était encore très récent. Ah oui, vraiment? Oui, vraiment. Chronologiquement parlant, c'est prouvé. Hein? On est dedans, là. Mais je me suis mis à lire ce livre-là, ça faisait un petit bout, je l'avais dans ma bibliothèque, et j'étais pas portée à l'ouvrir ou quoi que ce soit, mais à un moment donné... quand j'ai appris qu'Oussama Ben Laden avait été tué par les Américains, tout ça, bon, tu te remets à y penser. Puis je me suis dit, bon, ce serait le moment pour le lire, ce livre-là. C'est d'actualité. Bon. D'une certaine façon. D'une certaine façon, c'est d'actualité. Et j'ai trouvé une belle surprise dans ce livre-là. Je ne l'ai pas encore terminé. Je dirais que je suis rendue à la moitié. C'est un livre d'à peu près 400 pages, mais qui se lit très, très bien. Et on veut en savoir plus. Dans le fond, ça va par les heures. Donc, par exemple, le livre commence, si je ne me trompe pas, à 8h30. Et chaque chapitre est une heure. Le matin du 11 septembre 2001. Mmh. Donc, 8h30, le 11 septembre 2001, le livre commence. C'est comme 24 heures chrono, ça. C'est un peu comme ça. Il manque juste Jack quelque part là-dedans. Là. Il y a des choses qui ne se tiennent pas du tout. Comme c'est un peu semblable. Sauf que ce qui est différent, c'est qu'il y a une alternance entre les personnages. Ben, je dis les personnages, mais c'est... parce que Beigbeder a pris une famille, premièrement. C'est un père avec ses deux fils qui a la garde séparée et qu'ils apportent une journée au World Trade Center. Après ça, ils s'en vont visiter d'autres choses. Et le Windows on the World, c'est le restaurant en haut de la tour, en haut d'une des deux, une des deux tours du World Trade Center. Donc, on vit ce que des personnes ont vécu parce que c'est documenté, mais c'est des personnages fictifs. Donc, c'est des noms fictifs. C'est pas des personnes qui étaient dans la tour au moment du crash de l'avion. Mais ils essayent de nous faire revivre ce qui s'est passé dans la tour. Dans le restaurant. Dans le restaurant. Ils ont dû se faire brasser les crevettes, pas à peu près. Oui, mais tu te dis, OK, c'est un livre, c'est une fiction, mais tu te dis, c'est vrai. Donc, c'est un peu troublant, mais en même temps, c'est comme n'importe quel film d'action. Tu veux en savoir plus, même si tu connais la fin. Mmh. Et ça joue avec ça, avec une alternance aussi avec Big BD qui nous parle. Donc, il parle de l'histoire du père avec ses deux fils, mais entre chaque chapitre de cette histoire-là se trouve un peu Frédéric Big BD qui nous parle. Il nous parle de l'écriture parce que pour écrire le roman, il est allé dans la plus haute tour de Paris. Donc, qui est quand même assez haute, moins haute que le World Trade Center, mais reste que ça, il nous en parle, il est allé l'écrire en haut de ça et ça nous met, ça met quelque chose de réel parce qu'à un moment donné, il essaye de descendre les escaliers à partir de je sais pas trop quel étage, là, beaucoup trop haut, okay, on va dire ça comme ça. Il essaye de descendre jusqu'en bas et il dit qu'à un moment donné, tu deviens un peu claustrophobe parce que tu vois des escaliers, mais dans le fond, les gens, le 11 septembre 2001, c'est ce qu'ils vivaient. Donc, c'est un roman qui est. Ça reste sensible parce que, bon, il a essayé de raconter quelque chose qui est réellement arrivé, mais on reconnaît sa touche ironique. T'sais, il gênera pas pour le personnage, le papa qui a de ses deux enfants. C'est un peu un petit Frédéric Big BD. T'sais, il y a des caractéristiques des autres personnages qu'on retrouve dans ses romans. Donc, oui, Big BD, c'est un small BD. Mais bon, on reconnaît Big BD, mais dans une histoire qui. Ça a quelque chose de plus. C'est différent de ses autres romans, mais ça reste un très, très bon roman. J'ai été surprise. Mmh. Je l'ai pas encore terminé et je compte le terminer très bientôt. Ouais. Mais il va vraiment faire déteindre sa propre, ben pas sa propre, mais sa personnalité sur celle des personnages. Sur celle du papa, le personnage père dans le livre. Mais c'est vraiment, ça a quelque chose de suspense. Mais tu le sais qu'ils vont mourir, mais tu sais pas comment. T'sais. Puis en même temps, tu veux pas qu'ils meurent. Tu t'attaches. En tout cas, c'est un peu comme un type de film. Un film d'action. Ça tu sais qu'ils bon vont film. Mourir, ou tu sais qu'ils vont pas mourir, mais tu sais pas comment. Ouais. Mais est-ce que ça rentre dans la paralittérature ou carrément dans la littérature? Non, moi, c'est de la littérature, c'est très bien écrit, mais reste que... Ça, non, on n'a pas à classer ça dans une catégorie. C'est un très bon roman, tout simplement. Donc, Windows on the World, paru en 2003, et qui a d'ailleurs gagné un prix. Donc, ce livre-là s'est vu décerner le prix Interallié. C'est le prix remis à un roman écrit par un journaliste. Donc, à un journaliste qui écrit un roman. C'est juste excellent. Je vous le conseille fortement. D'accord. C'est Windows noté. On the World. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. J'aime l'idée d'aller écrire un livre en haut d'une tour. C'est comme, mettons, qu'on pourrait aller faire l'émission de radio sur un bateau, mettons, pour vraiment mettre pour les effets sonores. Pour vraiment se sentir, hein? Genre. On pourrait aller à l'île Saint-Quentin? Oui! Sur un pédalo? Sur le fleuve aussi. Non. Je sais pas, hein. J'aime bien l'idée du pédale. Ouais. En tout cas, peu importe, hein. On choisira nos sports nautiques une autre fois. Peut-être un par semaine, tout l'été. On a quoi, 16 semaines à remplir, ça va être très bien. Il y a plein d'activités à faire. Donc, vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. Vous êtes en compagnie de moi, Mathieu Plante, il y a Marie-Pierre Laforge-Bourret et Maxime Pronovo. Bien le bonjour. C'est l'équipe en ce moment, là. On est là, les trois, sur un bateau qui. Est-ce qu'on ressort sur le quai du bateau? Je pense que ça pourrait être pas pire, gars. Oui. C'est pas celle-là, pantoute. Ah, ça, c'est la pièce que tu voulais Ben ça, c'est... Les Black Keys. Les Black Keys, hein? Les Black Keys en direct sur notre bateau. Hey. On va les laisser jouer, regarde ça, comment ils sont beaux avec leurs beaux cheveux, leurs habits, leurs instruments quelconques. Leur barbe. Ouais. Well, I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. Baby, I'm howling for you. Alright. There's something wrong with this plot. The actors here have not got a clue. Baby, I'm howling for you. Black Keys, Howlin' For You. Vous avez raté le vidéoclip de ça. On parlait de vidéoclip tantôt avec les Beastie Boys. Ça aussi, ça en est un autre à voir. Il faut le regarder sur YouTube. C'est vraiment comme une bande-annonce de film où le texte apparaît à l'écran comme si c'était vraiment une bande-annonce. C'est très, très bien fait. Et la musique joue par-dessus. Donc, on voit vraiment les gens parlent et tout. C'est pas comme muet avec juste la pièce qui joue par-dessus. C'est vraiment des extraits du film avec des extraits de chansons dedans. C'est très bien. Bref, Howlin' For You, Black Keys. Beau choix. Merci. Ça fait bien ça. Mais tu parlais des vidéoclips, ça m'est venu en tête. Ils ont vraiment des très bons clips, eux. Ça part celui là que tu parlais là, que j'avais pas vu, là, mais c'est quoi l'autre chanson, là? Celle où tu fais une pub de bière à la télé, là? Ouais. Ben voyons. Ça t'est échappé, mais bref, ils ont des super bons vidéoclips. Oui, la plupart du temps, très divertissant, toujours une petite touche d'humour au travers de ça. C'est ça que je trouve bizarre des vidéoclips. J'aime mieux qu'on m'offre des vidéoclips, tu sais, qu'on me dise. C'est Tied It Up. C'est Tying It Up, la chanson. Tying It Up. Ouais. Titan Up. Ouais, Titan Up. Ah, d'accord. Non, je regardais MTV et MTV2, hein, les deux stations supposément musicales du Canada. Non, mais rarement. Ils ont des cases horaires destinées aux vidéoclips, genre à des fois 10h le soir ou 3h du matin, des trucs comme ça. Mm-hmm. Aucun annonceur, il n'y a pas de VJ, c'est juste des vidéoclips qui jouent et ils n'arrêtent pas de passer des graphiques de MTV par-dessus le vidéoclip. Tu sais, au lieu d'écrire le nom du vidéoclip dans le coin en bas à gauche, comme quelqu'un de saint d'esprit ferait, t'sais. À la place, c'est en plein milieu de l'écran dans un gros carré rose. C'est ça le clip. Tu veux savoir c'est quoi le clip? C'est ça le clip. Non, mais là, à un moment donné, ça va faire. Puis il cache l'image? Oui, ça cache complètement l'image. Ça doit être décevant quand c'est un beau vidéoclip. C'est ridicule, sérieusement. Je veux dire, tu sais, tant qu'à me faire ça, là, dis-moi donc, allez sur mtv.ca et trouvez les vidéoclips vous-même, bande de tarés. Mais c'est carrément la raison pourquoi il y a une popularité autour de YouTube et des vidéoclips. Ouais. Moi, je suis sûr que la seule unique raison MTV continue d'en jouer, c'est qu'ils ont un quota du CRTC qui les oblige à diffuser, exemple, 10% de vidéoclips par semaine. Parce que je sais que les stations spécialisées du Canada ont tous un quota de choses à faire dans différentes catégories, dont c'est les vidéoclips, donc ils n'ont pas le choix. Ils se dépêchent et en jouent le plus possible dans une heure, puis après ça, ils en mettent dans la nuit. Puis après ça, ils passent des téléréalités. Et voilà. Très plausible, en tout cas. C'est pour ce qui est de ta théorie du CRTC. Ouais, c'est un peu comme Much Music qui rend juste Much et qui joue Degrassi, Nouvelle Génération. C'est bon. As-tu vu les saisons où ça a l'air d'un Beverly Hills, de genre avec les faces du monde? Je pensais que t'allais me demander si j'avais vu les saisons de Claudine. Non. Parce que la réponse est non. Non, ce matin, l'épisode est particulièrement délicieux. Il faut les réécouter sur Casa ou je sais pas quelle. Non, mais tu sais, on va s'acheter d'autres chaînes pour rejouer nos émissions de v'là 5 ans. C'est pas grave, personne va s'en rendre compte. Ah. Sais-tu quoi? Je me suis pas préparé et je me prépare jamais pour cette émission, pour cette chronique-là, parce que j'adore ça, faire ça comme ça, et vous allez découvrir pourquoi dans quelques instants. Si je peux transitionner vers ma célèbre chronique. Mathieu, ta chronique? Mais c'est quoi? Mais quelle bonne question! Ok, c'est juste de trouver le thème, là, finalement. Là. Non, c'est pour construire un suspense. Parce que dans la vie, les amis, je sais pas si vous allez me dire si j'ai raison ou j'ai tort. Il y a tout le temps de quoi. Hein? Et je remercie mes choristes qui embarquent à chaque fois que je dis ce titre-là. Il y a tout le temps de quoi. C'est une chronique que je fais, tu vas voir. Il y a tout le temps de quoi. Dans la vie, ok, je vais m'évacher un petit peu parce qu'il faut que je m'évache quand je charle un petit peu loin. Là, ok, les stations de TV, ok, qui changent de vocation, mais qui le disent pas. Okay. Il y a une station canadienne qui s'appelle G4. Okay. Ouais. C'est une station qui est supposée parler de jeux vidéo et de technologie, etc. etc. Là, ils passent des émissions genre de chasse en ce moment. Des émissions de chasse ou des émissions des comédies, The Office, How I Met Your Mother. Ça n'a rien à voir avec la technologie. T'as OLN, OK? OLN, c'est le Outdoor Life Network, okay? Ouais. Le réseau de la vie extérieure, qui diffuse n'importe quelle télé-réalité qui s'adonne à se passer dehors. Mais c'est pas de la vie extérieur, c'est pas des affaires, sont supposés parler de niaiseries comme la chasse ou des trucs comme ça. Ils parlent pas de ça. T'as, mettons, je sais pas, Argent. La chaîne Argent de TVA, oui, oui, oui. Okay, qui était supposée être une chaîne continue d'émissions sur l'économie. T'avais plein d'émissions sur l'économie toute la journée, des bulletins sur l'économie canadienne et internationale avec un scroll en bas qui parle des indices boursiers. En quoi ça s'est transformé? C'est rendu des reprises de Dallas, Dynastie. Non, c'est pas vrai, là. Des émissions de télé-réalité comme ça, ou de télé-réalité de Dallas, c'est pas ça, mais quand même, c'est juste ça. Ou des émissions sur les maisons, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Une émission? Un soap américain, oui. Où ils vont avoir une espèce de lien justement avec l'argent. Pas l'argent, oui. C'est ça. C'est dénaturé. Mais c'est ça. Si tu veux passer les émissions parce que le lien a un certain rapport très, très, très éloigné, ça devrait pas être accepté. Le CRTC devrait pas accepter ça. vraiment pas. Tu parles, mettons, tu parles de Food Network. Ils vont passer que des émissions sur la nourriture. Eux, ils sont capables de s'en tenir à leur mandat. Much Music, qui sont supposés passer de la musique. Oui, mais attends, je t'arrête. Oui, en même temps, Food Network, c'est parce qu'il y a un buzz autour des émissions de nourriture ces jours-ci. Donc, ça pogne. Il y a des gens qui le regardent, alors que d'autres chaînes qui sont moins regardées doivent trouver une façon d'attirer un nouveau public. Mais ils veulent pas le faire avec leur mandat. Ils veulent le faire en tirant les cheveux ou en séparant les cheveux en quatre pour trouver un certain. Ou même, ils en trouvent même pas puis ils s'en cachent pas, là. G4, ils se cachent pas du fait qu'ils diffusent des comédies maintenant. Mais ils disent juste qu'on est une chaîne pour les hommes de 18-34 ans. Mais ben, à la seconde où l'intérêt de la population qui regardait ton poste de télévision, à la seconde où l'intérêt tombe, puis il n'y a plus d'intérêt à regarder cette chaîne-là, je comprends en même temps l'intérêt du canal, du poste, de vouloir changer un peu sa programmation, à contourner les... Je n'irais pas dire contourner les règles, mais au moins de tout simplement contourner la... son intérêt à la base de présenter télé c'est ça, mais je vous donne un autre exemple. Sur G4, il avait demandé à un animateur américain de venir animer une émission de télé pour eux. C'était sur une ancienne chaîne parce que G4, bon, je vous épargne l'histoire, mais G4 avant c'était Tech TV, une station vraiment technologique. Bref, ils ont engagé ce gars-là pour venir faire une émission de technologie au Canada sur G4, une émission 5 jours semaine qui parlait de trucs d'ordinateur et de jeux vidéo. Après ça, après qu'il ait fait comme 150 émissions, ils ont dit: gars, tu coûtes trop cher, va-t'en, bye. Ils l'ont sacré dehors d'un coup sec, et puis là, ils jouent encore des rediffusions de ces missions-là. Si on s'entend qu'il y a un domaine dans la vie qui évolue rapidement, c'est les ordinateurs. Okay? Donc, ils passent des émissions de ce gars-là de 2003 encore aujourd'hui à la télé. Mais c'est en retard? Mais c'est vraiment en retard? Non seulement en retard, mais c'est désuet à 100%. Pourquoi est-ce qu'ils jouent ça? Pour le contenu canadien. Parce que l'équipe autour de ce gars-là était canadienne. Donc, ils peuvent continuer de la jouer 3 à 4 fois par jour. Une émission qui date de 2003. Mais plus personne ne va l'écouter. Et voilà. Mais... eux autres, c'est pas grave parce que les codes d'écoute canadiennes sont tellement n'importe quoi qu'une personne vaut 3000 ou 30 000. Fait que quelqu'un, ça donne à cocher une fois qu'il a regardé G4, puis là, soudainement, les codes d'écoute sont super bons. Je serais intéressé à revoir une reprise de quand Bill Gates a présenté Windows 98 et qu'il y a eu un crash épouvantable. Ouais. Ça pourrait très bien arriver. Non, mais je vais surveiller ce soir, je pense, ça passe. Ouais, c'est ça, je pense que c'est minuit, quelque chose. Et où il passe une émission qui s'appelle Tech Books, donc des livres qui ont été écrits sur la technologie en 2000, peut-être 2, mettons. Oui. Les livres sont plus édités, plus disponibles nulle part. Ils te donnent des adresses de site internet ou d'adresses postales qui n'existent plus. Fait que les gens écoutent ça, puis font comme: waouh, crime, c'est nouveau ça? Ah ouais, Windows XP, crime, une nouvelle Nintendo GameCube. Waouh, ça a l'air bon jeu là. Mais c'est encore meilleur écouter les infopubs. Ben, tant qu'à ça. Non, en tout cas, moi, ça m'offusque. Les chaînes de télévision qui rient complètement de leur public en passant les émissions canadiennes. Un autre exemple qui me vient à l'esprit comme ça. Sur Comedy Network, une chaîne d'humour, ils jouent This Hour Has 22 Minutes. Attends, je t'arrête. Comedy Network, mais moi, en situation, c'est South Park. C'est South Park, les trucs comme ça, c'est des émissions d'humour, le Daily Show, des trucs des comédies américaines. Donc, sur cette chaîne-là, le soir, ils jouent This Hour Has 22 Minutes, qui est une émission à la fin du monde est à 7h, où traite les nouvelles de façon humoristique. Mais là, t'écoutes cette émission-là, assis sur ton divan, et ils te parlent du parti Reform Party. Ils parlent d'une nouvelle qui s'est passée avec Jean Chrétien. Pourquoi t'écoutes ça? C'est des événements. Il rit de l'événement que personne ne se rappelle parce que ça fait 14 ans ou plus. C'est une reprise. C'est une reprise. Puis c'est pas sur une chaîne spécialisée dans le rétro là, comme Comedy Gold. Non, c'est plus d'actualité. C'est plus. C'est en prime time. Aucun intérêt à l'écouter. Aucun. Parce qu'il faut vraiment que tu ailles te renseigner sur l'histoire du Canada pour comprendre qu'est-ce qu'ils disent dans leurs blagues. Ben, c'est pas récent. Mais quelqu'un qui a vécu cette époque-là, qui a un bon souvenir, qui était justement près de la politique, ça peut être intéressant. Puis en même temps, s'il y a une petite touche humoristique, je me dis. Oui, mais c'est combien de personnes dans la population que ça va intéresser? Ben, écoute, je cherche juste à pas être trop négatif. Tu les un petit peu. Mais pourquoi ne pas mettre ces émissions-là qui sont vraiment arriérées ou dépassées sur des chaînes rétro qui sont faites pour ça? Parce que, mettons, Comedy Gold ou des trucs comme ça, ou Déjà View qui jouent des émissions, des sitcoms des années 70 qui restent encore très drôles, ben, passez-moi des Sour Hours 22 Minutes là-dessus et je vais le regarder parce que je veux m'abreuver de rétro. Si regarde Comedy Network, remplissez-moi pas le quota avec des affaires qui datent de 14 ans. Passez-moi des comédies canadiennes qui datent de 2-3 ans qui sont encore courantes. Je comprends pas le but de faire ça. Je comprends pas. Je veux dire, il y a personne qui veut entendre des nouvelles de 14 ans à la télé. T'sais. Non. Pas beaucoup de gens. Il y en a. Mais t'es sur une chaîne rétro. Bref, en tout cas, ça fait le tour de ce que je veux dire, mais j'aime pas les nouvelles, ce qu'on appelle en anglais du channel drifting. Un terme très très sport que je comprends à moitié, mais du drifting, mettons. Du drifting de chaînes, donc des chaînes de télé qui changent de vocation avec le temps. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense et puis c'est souvent pas regardable. Puis les quotas canadiens, c'est du gros boudin, mettons. C'est mon éditorial, c'est la collègue qui a tout le temps de quoi. Je fais ça une fois de temps en temps, je suis allé. Ça fait du bien. Ben, une fois de temps en temps. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait. T'es maintenant plus calme, serein et prêt à affronter le reste de l'émission. Ah ben, Caroline, il reste encore une demi-heure d'émission. Et oui, on est encore à la radio, même si je parle de choses qui m'intéressent dans la vie. Donc oui, à la vie de croisière d'assemblage requis, nous reste 30 minutes ensemble. Tout à l'heure, on va parler avec Kiwan par téléphone en direct de l'Alberta. C'est ce qui s'en vient dans quelques minutes à peine. Pour l'instant, on va l'entendre, pourquoi pas, notre top 3. Qu'est-ce que t'en penses, Marie-Pierre? Mais j'en pense que c'est une très bonne idée. Tout à l'heure, on va entendre le numéro 2, c'est-à-dire on a créé un monstre et je pleure ou je ris, mais commençons avec la position numéro 3. La position numéro 3, c'est Super Héros de Taco Tsubo. Oui, Taco Tsubo, c'est des anciens majors qui étaient avant Major Bidet, qui étaient avant un groupe que vous connaissiez quand même pas, peu importe le nom, même si c'est récent ou pas, vous le connaissez pas. Donc les voici, Taco Tsubo, Super Héros. C'est super bon! Contre les gros camions, les robots, les explosions, les malheurs qui n'arrivent jamais seuls. Et quand tu pleures, j'essuie le seuil. Ta grande fatigue et la douceur qu'on peine à vouloir retenir. Jamais je ne te souhaitais de tels malheurs, mais cette fois-ci, personne ne meurt. On court un peu, on ouvre la porte, on fourmillière sur le plancher, un peu perdu, un peu écrasé par la solitude qui dépose toujours son pied là. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur, mais cette fois-ci c'est elle qui crève. Je vais te défendre contre les gros camions, les robots, les explosions, les malheurs qui n'arrivent jamais seuls. Et quand tu pleures, je suis le seuil. Ta grande fatigue et la douceur qu'on peine à vouloir retenir. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur, mais cette fois-ci c'est moi, c'est toi. On tourne et tourne autour de tout, de nos pouvoirs qui s'essoufflent. On s'accroche mal un peu partout, car le temps fait sur nos corps. On tourne et tourne autour de tout, de nos pouvoirs qui s'essoufflent. On s'accroche mal un peu partout, car le temps fait sur nos corps. Le corps se lève. On affronte vents et marées pour vous présenter encore un peu plus de la vie de croisière d'assemblage requis après ceci. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. This is love. Be standing approximately 3,000 miles. Numéro 2. I désir de m'éclater en silence et d'observer tous ces cons qui parlent trop souvent pour rien. Même dans un bateau, nos micros, ils font des kikakakikakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak la pièce Je pleure ou je ris, ça monte de deux places. Et avant, c'était le numéro 3. Oui, c'était le numéro 3, soit Takotsubo et avec les super-héros. Et ça, c'est le numéro 1 de la semaine passée. Donc, on a un nouveau numéro 1. Qui est-ce? Bonne question, hein? Dis avec un accent. Qui est-ce? J'ai mis un accent aigu sur le E de S. Mais qui est-ce? Est-ce que je peux le dire? Non! Ah, pas de suite? Oui, non, mais quand même. Mais là, logiquement, selon un top comme ça, plus on avance, meilleures sont les chansons? Supposément. OK. Ça dépend des goûts, évidemment. Évidemment. Ça représente s'il faut complet les différents animateurs. Parce que pour les gens qui nous posent la question, mais Marie-Pierre, mettons, pourrait me demander, et je cite, comment ça fonctionne les palmarès? Mettons, demande-moi ça. Ouais, mettons. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, les palmarès? Wow, ça va l'air vrai. Les palmarès, c'est évidemment décidé par les animateurs de C'est fou. Donc, aussitôt qu'une nouvelle entrée apparaît, ça, c'est le directeur musical, barre oblique directeur de la programmation de C'est fou, qui écoute de la musique comme ça au cours de la journée, reçoit plein de disques, on reçoit des dizaines et des dizaines de disques par semaine. Donc, il va écouter une partie de ça, il va en ajouter dans le palmarès. Et nous, les animateurs de C'est fou, des fois, on va écouter de la nouvelle musique, on va recevoir des CD à C'est fou, on va les faire jouer, on va les mettre dans le palmarès nous aussi. Et après ça, c'est aux animateurs de décider qu'est-ce qu'ils jouent, qu'est-ce qu'ils jouent pas. Donc, si quelqu'un fait beaucoup, beaucoup jouer un groupe comme, disons, je sais pas qu'est-ce qui a monté beaucoup là. Attends. Vas-y. Karim Ouellet, qui est un garçon. Oui, un homme. Un homme viril. Elle l'a découvert. Tantôt, je pensais que c'était une fille. Karim. Karim l'homme. Karim. Karim avec un M. M comme maman. Ouais, mais laisse-moi un peu d'imagination. Laisse-moi un petit peu de. Karim Ouellet. Karim. Karim. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est Karim. C'est un nom. Karim Ouellet, donc, monté de la 19e à la 12e place. Pourquoi? Parce que les gens l'ont fait jouer. Ah, c'est fou! C'est comme ça que ça a monté. Et si quelque chose ne monte pas, eh bien, ciao, bye, on vous pousse en bas du bateau. Voilà. Mais on vous refera jouer une autre fois, à un moment donné, si vous êtes bon. On lancera la boutique tâche. Voilà. Ah, quand même, c'est beau. C'est une belle image. On aurait pu étudier plus nos termes nautiques, mais on l'a pas fait. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est dépendant des animateurs. Évidemment, l'été, il y a moins d'émissions, mais quand même, beaucoup de gens font jouer des palmarès dans ces émissions-là. Donc, synthonisez-les et allez voir sur le cifou.ca pour retrouver non seulement le palmarès complet, mais aussi la grille horaire des émissions pour voir qui en fait jouer du palmarès. Hein? Bon. Donc, d'habitude, et là, je vais t'acclimater, t'amener dans le concept des palmarès, parce que tu le sais, Marie-Pierre, et tu le sais peut-être pas, Maxime, parce que je sais pas si je l'avais dit quand t'étais là. Mais je sais pas. Mais cet été, on combine deux formats ensemble. Donc, on a Assemblage Rocky, qui était normalement l'émission matinale, là, c'est l'émission estivale en pièces détachées, l'émission de 4 heures, et on combine ça avec les palmarès C'est fou, qui d'habitude était le jeudi après-midi, et où on diffusait tout le palmarès au complet, top 20 franco et top 20 anglophone pendant 3 heures. Donc, on a combiné ça dans Assemblage Rocky, et là, on est rendu au numéro 1. Et d'habitude, dans les palmarès C'est fou, ce qu'on fait rendu au numéro 1, c'est qu'on fait des jeux de mots proches. OK. Ah. C'est vraiment comme ça qu'on fait ça. Donc, d'habitude, on ne dit pas le numéro 1 avant. On ne fait que genre... laisser des indices, un peu comme tu sais dans les contes les enfants Hansel et Gretel, là. Ouais. Laisser des bouts de pain à terre. Moi, ah non, c'est le petit pousset ça. Le petit pousset, ouais. Tu vois comment je connais. C'est toi l'enfant ici, mais moi, je suis un gars qui aime les bonbons et je laisse des jujubes par terre pour tracer mon chemin parce que j'en suis fou, j'en suis malade de ces jujubes que je laisse sur mon chemin. Est-ce que t'as... Mais moi, je le sais parce que j'ai le nom devant moi. T'as la feuille. Maxime, est-ce que tu comprends? Moi, je n'ai que des points d'interrogation tout autour de ma tête qui flottent comme tu ça. Devine pas si je suis malade de jujube. Mais tu pourrais la jujube! Ah non! Ah, mais t'aurais tellement pu prendre aussi le titre de l'album, prendre une voix caverneuse aussi. Oh, comme genre, c'est quoi? Cancer Bats! Comme dans la pub que j'ai fait pour... Cancer Bats, c'est 3 inches of blood! 3 inches of blood. Oui, 3 pouces de ça, puis quand ça la basse. Donc, numéro 1, côté pièce, j'aurais pu faire aussi le jeu de mots que je ressens. C'est comme les jeux de mots me viennent, tel de la musique dans mon cerveau. Je sais pas si vous connaissez ça, quand la musique vous donne des saveurs, ou des fois, vous goûtez quelque chose et ça vous fait entendre quelque chose. C'est ça qu'on appelle de la. Comment on appelle ça? Synesthésie. C'est ça. D'ailleurs, j'avais lu un article sur ça. C'est une fille, elle entendait des mots et je crois qu'elle goûtait. C'est bizarre. Ça, c'est un peu spécial. Des fois, il y en a, ça va leur rappeler, par exemple, des couleurs. Mais la fille, elle goûtait. Elle avait des odeurs, des goûts. C'est un peu spécial. Ça n'avait pas l'air toujours agréable. Non, c'est ça, parce que des fois, un mot peut te rappeler une saveur que tu n'aimes vraiment pas. Et ça peut ou une odeur que tu détestes aussi. Ben oui. Mais il y a des musiciens célèbres qui sont synesthésiques. Tom York. Tom York, oui. Ah ben. Lui entend des sons et voit des couleurs. Lui, on l'aime. Moi, je l'aime. On fera un bloc à un moment donné de pièces synesthésiques parce que je sais que je connais d'autres groupes qui ont des pièces qui s'appellent synesthésie ou qui disent synesthésie dedans et des artistes qui sont eux-mêmes synesthésiques, c'est ça? Oui. On pourrait se faire un petit bloc thématique là-dessus. On va travailler, Marie-Claire et moi, là-dessus. Mais pour l'instant, on écoute notre numéro 1 que vous avez peut-être deviné. On vous expliquera les jeux de mots après parce qu'on est de même, nous. Suspense, hein? Sur un bateau de même, le suspense, c'est gagnant. C'est sexy, même! C'était la vie de croisière de Sandage Requis. Yeah. Malajube. Avec c'est Synesthésie. Ben oui, Synesthésie. Ben c'est ça, nos jeux de mots poche. C'était la tradition d'assemblage requis et des palmarès c'est fou. En fait, c'est plus une tradition des palmarès c'est fou qu'on s'approprie sur ce bateau. On pique les idées des autres. On a piqué Simon Fitzbé au dîner de con. Pique mes jeux de mots palmarès c'est fou. Qu'est-ce qu'on pourrait piquer d'autre? On va y réfléchir. Il reste pas grave. Demandera ou. Non. On demandera à quelqu'un. Ouais. Alors, donc voilà, Majeu Synesthésie qui monte de la 20e place, donc plus 19, et c'est seulement sa deuxième semaine de présence. Ça va bien pour Malajub. Ben, je sais pas. À date, je pense que chaque pièce de chaque album a figuré sur le palmarès pendant au moins un mois. Savez-vous s'ils viennent dans la région prochainement? Je pense qu'ils viennent pas dans la région. En tout cas, pour leur tournée de lancement de CD, aux dernières nouvelles que j'avais entendues, ils viennent pas, mais je pourrais pas dire ça. Mais attention, ils viennent à Oshaga cet été. Oui, c'est vrai. C'est pas Trois-Rivières, mais c'est quand même, c'est cher. Chicago, d'ailleurs. Si vous les aimez, moi, en tout cas, j'ai vu un spectacle pour leur autre album, Labyrinthe. Oui, Labyrinthe. Très, très bon spectacle. J'avais vu l'autre CD d'avant aussi, donc plusieurs fois, et puis c'est toujours un excellent spectacle, imagine. Ouais, bon. Donc voilà pour les palmarès, le palmarès francophone. On entendra le top 20 anglophone la semaine prochaine. Hein? Oui. N'est-ce pas vrai? Oui. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Vous aviez l'air de vous demander si c'était vrai. Est-ce que je... Non? Oui. Oui, un téléphone qui sonne. Oui, il y a un téléphone qui sonne. Par contre, vu qu'on est en ondes, je peux pas lui parler comme ça au téléphone. Donc je vais lui demander en direct. Kiwan, est-ce que tu es là? Oui, salut. Salut Kiwan, ça va bien? Ben oui, est-ce qu'on est en direct? On est en direct sur les ondes, donc ne parle pas de tes drogues. Wow, non. OK, ouais, je vais essayer de ne pas faire... J'espère que les gens comprennent. C'était une allusion à un autre animateur de radio qui avait parlé de blague de drogue en ondes. On n'y reviendra pas. À la place, Kiwan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'introduire avec tout de suite ton introduction de chronique Kiwan en cavale. Ça te va, OK? Ben, allons-y. Kiwan en cavale! En tout cas, j'espère que Kiwan n'avait pas quelque chose à me dire hors onde avant qu'on entre en onde, parce que c'est trop tard. Salut Kiwan. Ben non, j'ai rien de spécial, mais c'est quand même un peu surprenant. C'est surprenant en effet, mais il nous reste seulement une dizaine de minutes à l'émission, donc si on veut entrer ta chronique au complet, il va falloir le faire tout de suite. Donc, de quoi tu nous parles, Kiwan? T'es rendu où en ce moment? Est-ce que t'es toujours dans le pétrole jusqu'aux chevilles? Non, en fait, j'ai abandonné ça, là, le pétrole. Je suis sur un autre emploi dans le transport général. Okay. Petit job bien, bien relax, j'aime beaucoup ça. C'est pas de la crème glacée, est-ce que tu peux nous dire juste en général le produit sans mentionner de marque, mettons? Ben, en fait, ce que je transporte principalement, c'est des graines de tournesol. Ah! T'es rendu grano pas mal? Ouais, c'est ça, je fais attention à ma ligne. On t'appelle le mélange du randonneur? Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est ça, tu transportes des choses comme ça, tu t'aimes ça, genre? C'est un peu quelque chose que t'as déjà fait avant, là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ce que j'aime beaucoup, là, dans ma nouvelle emploi, puis un peu la raison pour laquelle j'ai changé souvent, puis j'étais pas aussi heureux, c'est surtout l'horaire de travail. Puis là, présentement, j'ai vraiment un très, très bel horaire de travail. Je commence le matin, je finis le soir, ben, je finis l'après-midi, disons, puis j'ai mes fins de semaine de congé, donc c'est magnifique. Parfait. Est-ce que ça veut dire que tu vas pouvoir nous appeler quand même une fois de temps en temps? Ben, je vais essayer, mais c'est sûr que là, quand même, présentement, je travaille. Fait que, ouais. Je suis comme en train de faire une pause un peu illégale, même, je dirais. Ah ouais, ben on va essayer de ne pas prendre trop de ton temps, Kiwan. Est-ce que tu as du temps pour les activités? On sait que la dernière fois qu'on s'est parlé, parce que je veux dire, ta vie a changé beaucoup depuis qu'on a animé ensemble. T'as tellement changé d'emploi, changé de ville, changé de différentes choses, mais t'avais plus de temps pour sortir depuis les dernières semaines. Est-ce que ça a changé, ça? Ben, j'espère que je vais avoir le temps, là, prochainement, de pouvoir faire un peu plus de trucs. Mais, tu sais, là, je suis installé à Mendicinata, donc c'est vraiment très, très tranquille ici. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à part de regarder le blé pousser. Mmh. Donc, c'est peut-être ça que je vais faire pour une partie de mon été. Mais j'ai quand même fait quelque chose d'intéressant la semaine passée qui n'est pas culturel, là, puis qui n'a pas aucun rapport à la musique, mais que je trouvais quand même intéressant. Et toi, Mathieu? Qui est friand de faits divers, j'ai une question à te poser. OK. Peut-être que tu as déjà lu ça. Je ne penserais pas vraiment. Mais bon, est-ce que tu sais combien de verres de café Tim Hortons nous séparent, vous et moi, le Trois-Rivières et Medicine? En termes de si on les met bout à bout, là? Non, en fait, pas si on les met tout à bout, mais si on ramasse tous ceux qui traînent sur le bord de la route entre Trois-Rivières et Medicine. Ah, je sais pas, j'espère qu'il y en a pas trop. Là. Beaucoup trop. Ouais. Oui, j'ai fait une estimation, là, puis c'est vraiment, vraiment pas un calcul scientifique, je tiens à le dire. Mais quand même, j'ai fait une estimation très grossière et ça arrive environ à 41 000 verres de café. Tim Hortons, là, je parle seulement des verres Tim Hortons. Ouais, il y a plein d'autres déchets, là, autour de ça. Ouais, c'est ça. Mais la semaine passée, j'ai participé à quelque chose de vraiment le fun, puis je sais pas s'il existe des programmes du genre au Québec, mais en tout cas. Je sais qu'il y a des trucs qui ressemblent à ça, mais ici, c'est quand même particulier parce qu'une fois par année, le gouvernement d'Alberta fait ce qu'il appelle la fin de semaine du grand nettoyage des autoroutes. Et donc là, ben, tout le monde il sollicite la population pour aider à nettoyer les routes. Et la façon que ça fonctionne, c'est que tu peux inscrire ton organisme à but non lucratif. Donc, tu l'inscris au sein du auprès de cette activité-là. Mettons, c'est fou, pourrait s'inscrire étant une OSBL. Ben oui, exactement. J'imagine que vous pourriez. Moi, je l'ai fait avec l'école où mon ami travaille. Puis c'est ça. Donc, ils s'inscrivent, ils se font attribuer un secteur d'autoroute, un 10 km, et ils reçoivent 1 000 $ pour leur association à but non lucratif pour chaque 10 km d'autoroute, dans le fond, où tu ramasses des déchets. OK. Je sais pas si ça a lieu au Québec. En tout cas, moi, je sais qu'on est allé à Québec plutôt cette semaine et puis il y avait vraiment des sacs de poubelles à chaque 3-4 mètres. Donc, je sais pas si ça a été fait par la population ou la ville, mais quel job sale. Lance-toi pas là-dedans. J'avais l'impression qu'au Québec, c'était peut-être plus là, des fonctionnaires, là, des employés de la voirie là, qui faisaient grâce ça. Grâce à payer. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool de faire ça en plus avec des enfants parce que là, il y avait des élèves de l'école qui étaient là qui ont vraiment pu en plus prendre conscience de ce qu'ils faisaient et puis de l'importance de pas jeter ses déchets, évidemment, sur le bord de la route. Et puis, c'est ça, donc on a sorti des petites statistiques, mais c'est vraiment grossières, là, comme ça, on a calculé sur par chaque kilomètre le nombre de verres de café Tim Hortons seulement qu'on ramassait. Et puis, c'est ça, en faisant le calcul, là, j'ai calculé ça grossièrement, ça donne 41 000 environ, qui aurait entre Trois-Rivières et Malassinat. C'est beaucoup trop. C'est trop, c'est sûr. Vraiment, vraiment. Ouais. Puis, une autre chose aussi qui nous a vraiment marqué, c'est que sur notre secteur de route, qui est en plus un bout rural, là, où il n'y a pas grand monde qui habite, on a presque réussi à ramasser une caisse de 24 de bouteilles de bière vide sur le bord de la route. Incroyable. C'est quand même assez inquiétant, oui. Ouais. Kiwan, il nous reste environ 5 minutes à l'émission de se dépêcher. Est-ce que tu veux nous présenter ton choix musical de cette semaine? Ben oui, en fait, justement, je dois t'avouer que je suis un peu pressé aussi, donc je vous fais ça, je vous présente ma pièce musicale, puis ensuite je vous laisse. Parfait. J'imagine que vous saviez que Dead Cab for Cutie sort un album bientôt. Oui, c'est très excitant. Et c'est ça, donc l'album sort le 31 mai et on commençait déjà depuis le 5 avril dernier à donner des pièces comme ça. Ben en fait, je pense qu'il faut avoir précommandé l'album. Donc moi j'ai précommandé l'album et puis je reçois à peu près à toutes les deux semaines, je reçois une nouvelle pièce de l'album. Cool. Et cette semaine, c'était Underneath the Sycamore que j'ai reçu. C'est une très très bonne pièce qui va être sur l'album Codes and Keys qui sort le 31 mai. J'ai rendu 4-5 pièces là, de l'album et je peux vous dire que ça va être un très très bon album de Dead Cab for Cutie. J'ai un peu moins aimé là, ce qui s'est passé dernièrement. Il y a eu un genre de EP puis un album. En tout cas, j'avais arrêté un peu de les suivre, mais je pense que Codes and Keys va vraiment être un très très très bon album. Parfait. Donc, on va aller écouter la pièce Underneath the Sycamore, c'est bien ça? Juste avant ça, j'ai une dernière petite chose à dire. Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu parler de course de bébé? Non. Ben oui. Non. Non, OK. Parce qu'en fin de semaine, c'est ça, c'est l'activité qui se passe en fin de semaine à Medicine Hat, c'est la grande course annuelle de bébés rampants. Donc, ça se passe au centre d'achat. Ils mettent un espèce de tapis, là, une toile par terre. Bébé à un bout, maman à l'autre. Maman appelle bébé. Et puis, le premier qui arrive au bout. Puis, il y a vraiment des rondes. Là. Il y a des rondes préliminaires, des demi-finales, des finales. 1 000 $ pour le grand bébé gagnant. Le bébé le plus rapide. Le plus dépendant de sa maman ou... Je sais pas qu'est-ce qu'on récompense. Moi, je désire qu'il y a des tests antidopage. Hein. Ah, bonne idée. Absolument. Dans le biberon. C'est vrai, faudrait vérifier ça. Ah, Kiwan, tu nous amènes des drôles d'anecdotes, toi, je trouve, là. Eh bien, je vous laisse là-dessus. Merci, on se retrouve bientôt. Oui, j'espère. Passe une belle semaine et bon retour au travail après cette pause illégale. Parfait, merci. Espèce de rebelle. Salut. On écoute Dead Cab for Cutie et Underneath the Sycamore à 89 FM. C'est Assemblage Requis. Après ça, on vient, on se quitte. Mangled in the shards. Dakafikiri et Underneath the Sycamore à Assemblage Requis. C'est déjà la fin de l'émission. On va se quitter là-dessus parce qu'on manque de temps. Endos Estrogène va suivre pour les auditeurs du jeudi. On repasse en passant, pour ceux qui ne savent pas, là, on est le jeudi à 13h, les samedis à midi, les lundis à 15h. Merci à Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Toi. C'était très le fun. Oui, belle première émission. Beau travail. Merci. On va se refaire ça la semaine prochaine, je pense. Merci à Maxime Pronovo, à Simon Fédibé, à Marc-Antoine Lavoie, à Kiwan La Liberté. Qui d'autre qui manque là-dedans? Mathieu Plante. Oui. Ça me dit absolument rien. Je pourrais pas dire. Mathieu Plante. En tout cas. Bye. On se quitte là-dessus. Bonne semaine. Bonne semaine. Ouais, c'est ça. Ça va être beau. C'est tout. Bye. Silence comme inconfortable. Mais j'aime ça finir sur un silence inconfortable. Ça met comme de l'ambiance. On va se quitter sur une pièce de Mother Mother. Mais juste pour les gens qui nous écoutent live, parce que sinon, ça ne rentrera pas dans la reprise.